Je suis. Broly, ils sont sortis à Tetris. J'ai récupéré du ravin même. Broly, ils ont sorti un Tetris en version VR. Ouais, genre tu mets le casque et t'as un délire de. En plus t'as une ambiance musicale qui est assez ouf. À chaque niveau t'as des ambiances j'ai musicales. J'ai la VR chez moi. Ouais. On a testé avec des amis le porno VR, figurez-vous. Mais non. Oh, oui, génial. Ça existe. Ça a rien à voir avec Tetris, le mec. Hein. Non, mais c'est une côté expérience de fou que j'avais partagé sur mon Insta. C'est très déroutant. D'accord. Mais attends, mais ça consiste en quoi? T'es dans la personne? C'est de la virtualité. Mais non. Écoute, en gros, non, tu mets le casque et tu vois la partie basse d'un homme qui n'est pas toi. Je te rassure. Ah ouais, c'est chelou. Tu comprends de suite que c'est pas toi. Ah non. Ouais. Tu le comprends assez vite. Et là, il se passe des péripéties. Ah ouais, ça doit être. Et c'est à la fois hyper plaisant et horrible. C'est un espèce de. Où tu fais. Ah, waouh! Wow. Merci et Flo voilà. Pour ton anecdote et une pensée pour Patrick, bien entendu. Oui, il est Patrick Manon, tranquille. Manon, en tout cas, ma chérie, on t'embrasse très fort. Gros bisous, merci la Manon. C'est un album offert pour toi aussi. Ah d'accord. Et allez, voilà. Bah, c'est adorable. Et ben tu restes au standard et on te prend tout ce qui est coordonnées ainsi que numéro de sécu. Bisous, Manon. Au revoir. Bisous. Et il y a l'album, mais il y a aussi le livre CD qui est dispo avec la bande dessinée. Il est hyper cool. Oui, on a essayé de faire un truc différent parce qu'on sait que maintenant, acheter un album, ça sert pas à grand chose. Ouais. Beaucoup de gens n'ont même plus de lecteur CD. On va pas se mentir. Du coup, on a essayé de faire un petit livre comme une sorte de carnet de bord. Oui, parce qu'il y a des anecdotes dedans. Ouais, il y a une page par morceau, des photos. Ce livre, on l'a fait. Dessinée. Sachez une chose, hein, c'est pas la maison de disques qui l'a fait tout. C'est nous, on a fait chaque page. C'est nous qui avons décidé quoi écrire, où. Ça on a été chier, ouais. Vraiment un vrai taf quand même, tu vois. Et qui a dessiné? La BD, mais figure-toi. Mais il y a le nom du mec dedans et la photo du mec. Ah, c'est notre ancien babysitter, le mec qui a fait la BD. C'est un truc de fou, non? Ça s'appelle Pierre Tolmer. Il s'appelle Pierre Tolmer. Pierre Mortel, son nom de truc. Ouais. Et voilà, donc c'est un petit objet. Je crois que c'est pour 17 euros. C'est, voilà. Mais c'est cool parce que vous l'avez décliné comme ça. Il y a le vinyle aussi. Il y a un bracelet dedans en plus, hein. Le bracelet, en vrai, on va pas se mentir. Bon, ça justifie pas les 17 euros, le bracelet, on va pas. Non, mais tu vois. Mentir, le bracelet, non, mais c'est ça 17 qui est cool, c'est qu'il y a des petites anecdotes, des petits trucs. On essaye vraiment de donner. Phrase. Voilà, phrase horrible que je veux dire, mais une valeur ajoutée à l'achat, parce que c'est vrai que le CD, au final, il se retrouve quoi, rayé par terre au fond d'une voiture, ou alors la boîte, elle se casse et tout. Là, il y a un vrai livre qu'on peut mettre dans la bibliothèque. Qu'est-ce que l'en pense, mon Pablo? Ouais, alors, moi, je suis vachement sur la VA aussi, la valeur ajoutée. Le grammage du papier te convient, tout ce qui est grammage. Écoute, et moi, ce que j'ai adoré là-dedans, c'est ce côté un peu papier mâché que vous avez donné au truc cartonné, alors que c'en est pas, tu vois. Alors, si ça vous dérange pas, il y a Célia qui a une question à poser. Ah, ouais, bah vas-y, ouais. Célia, ouais. Célia, ta belle ville en plus, nickel. Salut Célia. Salut la famille. Salut les filles. Salut Flo et Oli. Ça va? Flo et Oli donc. Hein. Plus de respect sur le prénom. Non mais ça va. Écoute, ouais. On est en famille. Ouais. Appelle-moi Patrick. Vas-y ma belle. Oui, allô. J'avais une question. Je voulais savoir quelle a été la réaction de votre mère quand elle a écouté son morceau pour la première fois. J'ai grandi. Ah ouais. Et quand elle crie, je dois comprendre, je t'aime. Je dois comprendre, je t'aime. Et quand elle crie, je dois comprendre, je t'aime. Vrai, ça. Est-ce que vous lui faisiez écouter au fur et à mesure ou est-ce qu'elle l'a vraiment découvert une fois fini? Déjà, pour ceux qui n'ont pas écouté le morceau, c'est vrai que dans ce morceau, on n'est pas forcément 100% tendre avec la maman tout le temps parce qu'on a une relation très très compliquée avec notre mère. Et on voulait lui dire qu'on l'aimait malgré tout ça dans une chanson un peu complexe. Et on a flippé avant de lui faire écouter. C'est vrai. Mais, oh là là. Les gros lâches, on n'était pas bien. Bah attends, mais comment ça s'est passé? Vous êtes retrouvés dans une pièce spécifique. On lui a dit, l'album était fini, on lui a envoyé un message. On a une conversation Facebook avec notre mère. Et on lui a dit, maman, on a fini ta chanson. Elle a dit, je vais l'écouter. On a dit, oui. Et deux mois après, on est allé dans sa cuisine. On a mis l'enceinte. On a fait, allez, c'est parti. Et elle a adoré la chanson, elle a beaucoup pleuré. On a tous pleuré. C'est normal aussi. Parce qu'on a eu des gros soucis avec notre mère de dialogue et il y a eu des moments difficiles, on dit tout. Et du coup, ça a fait du bien aussi à notre relation. Vraiment, il y a eu un avant et un après ce morceau-là. Et maintenant, bon, là, elle écoute en boucle. Je crois à chaque fois que je viens chez elle, il y a le morceau. Maman, elle est là, yes. Mais c'est touchant d'avoir un morceau pour soi, quoi. Je pense qu'aussi, bon, pour ceux qui savent, on avait fait le son avec le papa. Bien sûr. Je pense que quand t'es la maman. Oh là là, la régie. Voir tes enfants avec le papa sur scène, les gens qui font le papa, il est génial, le papa. Ouais, c'est dur. Et elle était là en mode yes. Donc, elle était en mode tout le monde s'en va les couilles, tout ce que j'ai dit. Et donc là, elle est contente. Tout va mieux. Du coup, prochain album, c'est quoi? C'est le Kouz? C'est qui là? Allez, Tagada, Twang. Non, mais c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous avez envie de faire vraiment une autre chanson? Tu vois, parce que moi, j'ai l'impression que c'est un vrai. foutu de ta gueule. Non mais excuse-moi, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un d'autre à qui tu tiens beaucoup, à qui tu On verra en suivant l'inspiration, mais c'est vrai qu'on aime bien parler des. Oh, je pense que là, les membres de la famille, on a fait le tour, quand même. Le frère, le père, la mère, bon, on va se calmer un petit peu. Ouais, bon, c'est déjà pas mal. Voilà, elle a très bien réagi. Tu demanderas David Hallyday pour d'autres chansons. C'est vrai que David Hallyday est passé. Il jouera de la guitare au coin du feu. Faire un bisou à Marion tout à l'heure, quoi. Oui. Bon, Célia, on t'embrasse très fort, mon poulet. J'imagine que Célia, on a un album aussi. C'est un album offert, bien entendu. C'est la version livre qu'on offre. À 17 euros. Ah bon ? Ah oui, oui. Je peux dire quelque chose ? Ah oui, alors Célia, la porte est ouverte. Bah, en fait, c'était moi sur scène au concert, enfin au festival cet été à Lyon. Et voilà, je voulais dire que au Nuit de Fourvière. Ouais, exactement. Ah, t'es montée sur scène avec nous ? Et t'avais une casquette ? Ouais. Voilà, vous voyez ? Non. Regardez. Yes ! Yes, c'est chier. Et c'est vrai que t'as un Il se trompe jamais et là il se trompe. Qu'est-ce que t'es allé dire, casquette? Mais t'as eu beaucoup de courage de monter. Je vais vérifier ça après, t'inquiète pas, je vais aller regarder l'image. Bravo en tout cas si t'es monté sur scène, si t'as chanté avec eux, c'est courageux, bravo. Bisous Célia. Merci. Bon, bisous la famille. Venez, bisous, on fait une demi-heure en plus ensemble avec les jeunes. Voilà. On peut pas parce que là il y a le Vinfun qui arrive et qui prennent le relais, mais c'est tellement cool de vous avoir, franchement, vous revenez quand vous voulez dans cette émission. Je regrette qu'on soit pas venu plus tôt parce que ça fait des années qu'on est censé venir ici. Oui, c'est vrai ça. On s'en bat les couilles de ce que je dis. Et franchement les gars, revenez co-animer avec nous quand vous voulez. Là, mais voilà. Ce jour, on va revenir. Ouais, même s'il n'y a pas de promo, on s'en fout. Tu vois. Bon. Et puis, et même moi, si je suis là que pour la promo. Hein, c'est le, sinon, je suis chez moi, tranquille. Bah Non, mais on vous rappelle. Prévenez pas, vous passez une tête, quoi. C'est cool. À la David Hallyday, quoi. Tu sais qu'on va bien s'entendre, tu utilises plein d'expressions ringardes et tout. Ah ouais, moi j'adore. Vous passez une tête, c'est vraiment ringard de dire ça, quoi. Demain, les amis, je fais un barbecue, vous passez une tête. Depuis le début de l'émission, elle dit des trucs. Mais j'aime beaucoup. C'est mon combat de vie, c'est de remettre au goût du jour les expressions de Meert. T'es un sacré petit bout de femme. Ah oui. Ah mais attends, elle dit ça aussi tout le temps, tu dis tout le temps, t'es un petit bout de femme. C'était une rêve, Pablo. Bon, en tout cas, l'album est déjà disque d'or, vous pouvez retrouver. Vous pouvez retrouver le vinyle qui sortira le 14 décembre prochain d'ailleurs. Il y a le vinyle qui sort le 14, il y a la version livre, il y a la version CD, pas d'excuses, il y a toutes les versions. Moi je tiens à remercier tout le monde pour le soutien. C'est vrai que là on a, depuis la sortie d'album, on a beaucoup de messages, beaucoup de retours. Même vous les filles, merci pour le soutien. Et c'est ouf ce qu'on est en train de vivre avec cet album là. Et rendez-vous samedi au Bercy, on finit la tournée là-bas. Merci à vous les gars. On vous embrasse super fort. Des gros poutous. Ah ouais, et on va retrouver toute l'équipe de la Vinfun maintenant avec Karel, Alice et Doc. Ouais. C'est parti jusqu'à minuit les chatons, on vous embrasse. Ouais. Comme dirait Anso, à fond les ballons ce soir. Allez, tu vas faire quoi? Bisous. Allez, salut. Gros bisous, ciao. On passera une tête. À demain, petite gueule. Allez, bonne émission. Bisous. Merci beaucoup. Tous les soirs, plus de liberté. La Vinfun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Le Vinfun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Le Vinfun. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Radio. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, soyez tous les bienvenus sur Fun Radio. Tellement content d'être avec vous. C'est ce que j'étais en train de dire à Kassim là, quand j'avais 17 ans et que j'écoutais Fun Radio. Ouais. J'aurais rêvé de prendre l'antenne le soir entre 22h et minuit. Et on a cette chance tous les soirs d'être avec vous, d'être ici sur Fun Radio pendant 2 heures pour vous aider, pour venir vous conseiller. On est une émission à part. On est une émission où ici, il y a une totale liberté. Vous pouvez venir vous exprimer librement. C'est vrai qu'entre 22h et minuit, en plus, on peut se lâcher davantage. Et vous êtes dans une configuration où vous vous lâchez aussi davantage. Toute la soirée au 01 42 48 5000, on vous attend bien sûr. Nombreuses. Coco Méloche qui décroche toute la soirée le standard. Le doc est en place. Le médecin. Qu'on l'amène, le médecin. Il est où? Il est où le sexologue? Il est là. Tu es sauvé. Ah bah oui, un médecin sexologue, c'est ton métier donc au quotidien. C'est ça. Voilà, tous les jours. De sexe. Il y a l'amour. Putain, mais moi aussi, on fait un peu le même métier. Bah oui, bien sûr. Non mais c'est ça. Nous aussi, on parle de sexe tous les jours, n'est-ce pas, Alice? Oui, n'est-ce pas? J'aime beaucoup parler de sexe, d'amour, tous les jours. C'est vrai. Et tous les jours, Alice nous raconte un petit moment de sa vie. On apprend des choses. Non, mais moi, tu me surprends tous les jours, Alice. Ah oui. Ah mais bien sûr. Non mais entre ta première fois avec le mec qui avait un sexe démesuré. Le braquemar, qu'on l'appelle. Bien sûr. Quand je fais une recherche YouTube, Alice, je tombe sur la première bifle d'Alice. C'est sûr qu'Alice est beaucoup confiée au micro de Fun Radio. Je me suis beaucoup livrée. Mais en même temps, je fais comme les auditeurs. On papote, on se raconte notre vie. Bien sûr. Non, mais c'est ça. C'est un échange, c'est un partage. Et c'est vrai qu'on vous raconte notre vie comme vous nous racontez la vôtre. Oui. C'est aussi ça, la famille Fun Radio, la famille Love in Fun. On a Cassim aussi, c'est le réalisateur producteur de cette émission. Ouais. Ça va, Cassim? Je peux vous quitter à tout moment là. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de chier, j'en peux plus. Alors, c'est-à-dire que un peu malade. Ça fait deux heures environ que Cassim est assis sur sa chaise. Ouais. Et il a les. Enfin, tu sens qu'il est en train de retenir quelque chose. C'est horrible. Hein. Il crispe son fessier. Bon, c'est dégueulasse. Ah ouais. C'est dégueulasse. Ce soir, on va vous offrir beaucoup de cadeaux. Ouais. Avec notamment les 100 euros de chèques cadeaux à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Nos amis. Ah oui. On est de retour et on va vous régaler là pendant les fêtes, juste avant les fêtes de Noël. Là, vous allez prendre du 100 euros de bon d'achat. Ça va vous permettre justement de faire des économies sur les cadeaux de Noël. Parce que quand tu commences à faire la liste des cadeaux, ah putain. Faut un gros budget. Ouais, il y a beaucoup de monde. On va vous faire économiser quelques sous en tout cas. N'hésitez pas, ça se passera tout à l'heure. On fera une battle d'ailleurs. Tous les soirs, on fera un jeu différent. Ce soir, sur une idée d'Alice, on fera un concours d'orgasme. J'aime bien. Moi. Alors, que les mecs comme les filles. Hein. Ah ouais, venez jouir. Venez jouir sur Fun Radio. C'est un bon produit d'appel, ça. Viens jouir. On t'attend. 01 42 48 5000. Venez nous faire votre plus belle simulation. On fera ça là tout à l'heure, justement. On va accueillir Nicolas, 22 ans, de Dunkerque aussi. Salut Nicolas. Salut tout le monde, salut toute l'équipe, comment ça va? Ça va bien Nicolas, tu sais que dans cette émission on écoute aussi du son et on écoutera ce soir Jason Derulo. Je sais pas si tu kiffes toi. Ah, j'aime bien ce chanteur, ouais. Jason Derulo, David Guetta avec Nicki Minaj. Ça c'est le tube Fun Radio, hein. Goodbye. Il y aura aussi le fameux Benny Blanco, écoutez ça. Et là, Loud Luxury. Ça va mort, par contre. Toute la soirée aussi, on va vous offrir des capotes. Les capotes Durex Red. D'ailleurs, Durex qui est très engagé dans la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et en particulier contre le sida. Quand vous achetez une capote Durex Red, vous contribuez financièrement au Fonds mondial de lutte contre le sida. En gros, plus tu fais l'amour, plus tu contribues à sauver des vies, ce qui est plutôt cool. Donc on va vous offrir des capotes Durex Red. Tous les auditeurs qui passeront à l'antenne auront leur dose de capote. Et tu en fais partie, Nicolas ? Ouais, bah merci bien, j'espère aussi, hein, parce que bon quoi, des capotes de la vie pour se protéger, quoi. Bien sûr, mais t'as l'occasion de les utiliser en ce moment ou pas, ouais, Nicolas? Ouais, je vous appelle pour ça, en fait. Hein. Moi, voilà, ça fait 8 mois que je suis avec ma copine, mais bon, elle est tortionnaire avec moi, et puis franchement, franchement, je tiens plus, là, ouais. Et quoi, c'est toi qui fais à manger à la maison? Bah ouais, franchement, ça tient un peu comme ça, ouais, et puis le truc, c'est que je suis un peu, comment expliquer ça? Tu fais le ménage? Ouais, allez, Mathieu, attendez. La vaisselle, la lessive. On va se faire allumer par les sous. Franchement, ça me gêne un peu d'en parler, quoi. Ouais, mais le truc, voilà, c'est que dans l'histoire, c'est que je suis un peu la femme à la maison, ouais, comme on dit. Et alors, ça, c'est pas un problème. Pas vraiment... La femme à la maison, c'est quoi? Bah, je sais pas, je prends pas vraiment le rôle d'un homme, quoi. C'est plus elle qui prend ce rôle-là, et puis. C'est quoi le rôle d'un homme? Je me sens vraiment pas trop à ma place, quoi. C'est-à-dire, Nicolas, explique-nous un petit peu. En fait, tu te fais dominer déjà, dans ton couple, c'est ça? Ouais, franchement, ouais, c'est ça, en fait. C'est carrément ça, quoi. Quand on va au magasin et tout, même si je veux m'acheter des vêtements, je peux pas les choisir. C'est elle qui va décider de ce que je vais acheter ou pas, quoi. Ah oui, et non, mais il y a une différence entre être le domestique et le valet de ta meuf, ouais, et avoir le rôle d'une femme. C'est quand même hyper réducteur, ce que tu es en train de dire. Il y a plein de trucs, en fait. Il y a plein de trucs. Déjà, rien que ça, on va au magasin, c'est elle qui décide de ce que je dois acheter. La dernière fois, elle m'a giflé devant tout le monde, donc parce que je voulais pas pousser le caddie. Rien que ça, déjà, c'est pas normal. Et puis, oui, au cinéma, il y a 3 semaines. Elle a choisi le film. Je voulais regarder un film et tout. Et genre, on s'est pris la gueule blanchinée devant tout le monde et tout. Et j'ai pas pu décider de ce que je voulais. Donc moi, j'ai fait la gueule. Mais en fait, et tu restes. Et toi, tu. C'est ça. Nicolas, Alors Nicolas, ouais. tu nous expliques un petit peu la situation. Maintenant, on va parler. Hein. Ouais. Est-ce que toi, tu lui dis un petit peu justement que tu te sens pas bien et que t'as envie aussi d'avoir ton mot à dire. Enfin, je veux dire. J'ai déjà essayé, mais bon, je me fais engueuler, donc voilà quoi. Je dis rien et puis je laisse faire. Et tu te rebelles pas? Bah non. J'ai peur en fait que à chaque fois je me fasse engueuler ou même taper quoi. Est-ce que tu peux voir tes amis? Est-ce que tu peux sortir? Est-ce que... Bah rien que ça, je peux pas forcément voir des copains et tout parce que elles les aiment pas, donc j'ai pas le droit de les voir. Et Nicolas, on croit et... entendre une victime quoi. Mais ça, non mais elle t'a déjà tapé ou pas? Parce que ouais, là tu parles comme si c'était un homme battu quoi. Est-ce qu'elle te tape régulièrement? Est-ce qu'elle peut être violente? Non, pas régulièrement, mais elle m'a déjà mis des gifles quoi, ouais. Est-ce qu'elle t'insulte? Non, elle m'insulte pas. Non. Non mais c'est bien. Et quand vous faites l'amour, comment ça se passe? Tiens, ça peut être intéressant ça de savoir qui. Franchement, moi d'un côté, je prends pas forcément de plaisir parce que faut que je lui fasse plaisir à elle. Donc faut que je fasse les positions qu'elle aime et tout quoi. Et, arrête, Nico. Mais attends, t'es payé combien pour faire ce boulot? Parce que je comprends pas. Enfin, c'est fou. On dirait que tu t'obliges. Pourquoi tu restes avec elle alors? Bah, je l'aime et tout quoi. J'ai pas envie que ça s'arrête. Bah non, ça serait trop con. Ça peut arriver, moi, Doc. Je voulais des conseils, voir si d'un côté vous pouviez essayer de faire quelque chose à ça, apporter, si vous pouviez l'appeler ou autre, qu'on puisse en discuter tous ensemble, quoi. Parce que franchement, ça me met mal. Quand tu lui en parles, elle te répond quoi? Bah, elle me dit d'aller me faire foutre et tout, et que faut que j'arrête de faire, de faire le gamin, quoi, et que c'est comme ça, c'est tout. Elle a des amis, tu vois ses amis, tu vois la famille? Bah, elle voit ses amis et tout, mais moi non. D'accord. Bon, elle ne voit pas ses amis. Ah, Nicolas, on en parlait en plus hier dans l'émission, parfois dans le couple, il y a parfois un dominant et un qui est dominé. Souvent d'ailleurs, le dominé, c'est peut-être pas le plus amoureux, mais en tout cas, celui qui est prêt à tout, quoi. Et ça, c'est un équilibre à gérer, Doc. Oui, bien sûr, c'est un peu dans tous les couples, et puis ça peut varier dans le temps aussi, ça peut être à un moment donné, et puis plus tard, c'est pas le cas. Voilà, après, quand t'es amoureux, oui, tu fais plus de concessions, des fois tu fais des efforts en disant, tiens, je vais lui faire plaisir, parce que t'es amoureux. Bon, alors on pourrait dire qu'il faudrait pas le faire, mais voilà, quand c'est fait de bon consentement avec plaisir des deux côtés ou un peu plus d'un côté, bon, c'est pas très grave. Là, on n'entend pas ça quand même. Hein. Ça a l'air d'être très tranché et à aucun. Enfin, j'entends pas beaucoup que toi, t'as ta place. Bah non, franchement, c'est compliqué. Mais en même temps, tu as du mal certainement à te faire entendre aussi parce que t'as peur. C'est sûr. Relation qu'on vit dans la peur, ça me semble pas franchement une bonne relation. Donc, On va l'appeler. On va l'appeler. J'ai hâte de lui parler. Elle va m'envoyer chier. Je vais adorer ça. Ah, j'adore ça. Ouais, Nico. T'appréhendes. Ah ouais, non, mais là, effectivement, t'es dans la peur, là, Nico. Il faut quoi qu'il arrive, il faut que ça change. Et on va t'aider, Nicolas. On va appeler la copine tortionnaire. Là. Elle est où, là, Manon? On l'appelle, la Dunkerquoise. Attention, on arrive, Manon. On va te donner une bonne leçon. Restez avec nous. En plus, on va revenir avec Dadju. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Restez bien avec nous. Le coup de téléphone pour Manon dans un instant. Et Dadju avec Jaloux, à tout de suite. Suivez-nous sur Instagram. En tapant Love in Fun. Salut, c'est Bruno. Salut, c'est Marion et Anso. Salut, c'est Karel. À partir du 10 décembre, toute la team Fun Radio vous donne rendez-vous pour faire la fête. Le Christmas Tour passe bientôt près de chez vous. Rennes, Paris, La Défense, Rouen, Bordeaux. Are you ready? Christmas Tour. J'ai trop hâte de vous voir. Pour assister aux émissions, inscription sur la page Facebook de Fun Radio. Je compte sur vous. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook et Instagram. Les défis Soch. Imaginez un chant de Noël. Je suis passé chez Soch. Une superbe promo se cache dans ses cadeaux. Hey, en chaussons, dans ce salon, célèbre en chanson, en chanson, en chanson. Jusqu'au 10 décembre, 9h, profitez du forfait 50 gigas à 9,99€ par mois pendant 12 mois, puis 24,99€ par mois sur Orange, le réseau mobile numéro 1. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Rapport ARCEP 2018. Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait 24,99€ par mois. Détails sur soch.fr. Soch!

du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. Oui, bienvenue sur Fun Radio, c'est Love in Fun. Je m'appelle Karel, Doc, Alice, vous tous, vous toutes. Le numéro de téléphone pour nous appeler, 01 42 48 5000. Vous êtes adepte de faire l'amour au téléphone? Ah, oui. Ah, allô bébé? Oui, là je te pénètre. Tu sens le plaisir qui monte en toi. Parfois, c'est un peu chaud de faire l'amour par téléphone. On sent que j'ai une grande expérience. Hein, bien sûr. Non, mais alors, il y en a qui le font aussi par webcam. Oui, ça c'est plus facile. Ah, les appels vidéo, quoi. Ah ouais, putain. Bah, c'est bien ça. Ah non, ça c'est bien. T'as déjà fait toi, Alice? Moi j'en ai déjà fait quelques fois. En fait, je trouve que tu fais un appel vidéo avec ton mec qui est pas là, y a une chance sur deux que ça commence à partir un peu en live quand même. Ah bah de ouf. Surtout, vas-y, mon mot est sans. Ok, d'accord. Super. Non, mais pas là-bas, non. Venez nous raconter, si vous avez déjà fait l'amour par téléphone, comment ça s'est passé. Venez nous raconter vos meilleurs cams sexy. S'il y a des petites anecdotes aussi, genre vous étiez en train de vous masturber peut-être devant la caméra avec votre chérie et là papa a débarqué. Qu'est-ce que tu fais Adrien? Hein? Arrête de branler. Non mais vraiment, n'hésitez pas à venir nous raconter, en tout cas 01 42 48 5000. On va s'occuper de Nicolas, il a 22 ans, il est de Dunkerque, il est avec nous depuis le début de l'émission. Il nous a expliqué, voilà, je vis avec une fille qui me domine mais totalement, j'ai jamais mon mot à dire. Il n'a plus toujours... de vie en fait. Ouais c'est ça, c'est toujours elle qui prend toutes les décisions, j'ai l'impression de... Voilà, quand je vais au cinéma, c'est elle qui choisit le film, je me fais engueuler. Je m'en prends une des fois. Elle t'a déjà giflé, Nicolas, tu nous as dit. Oui, elle m'a déjà giflé, ouais. Bon, alors là, tu passes pour la grosse victime, Nicolas. Il vit dans la peur. Ouais. Il est... Exactement. T'es très, très amoureux d'elle. Et donc, du coup, tu n'oses rien dire. Et alors, tu nous as demandé de t'aider et d'appeler Manon ce soir, donc ta copine. Oui. Pour essayer d'avancer là-dessus et d'avoir une explication avec elle. Donc, tu vas l'appeler, comme ça, on va être témoin de ce que tu vis au quotidien quand tu l'appelles, voir un petit peu sa façon de te parler. Et puis, nous, derrière, on va prendre la main et puis on va discuter avec elle pour voir ce qu'elle en pense, elle aussi, d'accord ? D'accord. Petite question, est-ce que je dois lui dire par hasard qu'elle passe en direct à l'antenne ou pas ? Alors, Nicolas, je crois qu'il va aussi falloir que tu aies confiance un petit peu en toi. Peut-être pas tout de suite. Commence par lui parler et après, on va lui dire. Voilà, parce que sinon, tu vas te faire défoncer. D'accord ? Pour l'instant, tu l'appelles et tu lui dis, voilà, j'aimerais qu'on discute d'une chose qui m'embête. J'avais peur de t'appeler pour te le dire, mais je trouve que dans notre relation, j'ai l'impression que tu me domines et que j'ai pas de place dans le couple. Ok ? D'accord. Ouais, ça marche. Faut que ça change, quoi. Exactement. Sinon, ça peut pas continuer, Nicolas. Ouais. Non, tu vas devoir prendre l'air d'autoroute. Et bifurquer. Allô ? Allô, bébé ? Ah, c'est toi ? Pourquoi tu m'appelles en privé ? Je sais pas, mon téléphone devait avoir un problème. Je suis désolé. Ouais. Dis-moi, je peux te parler ou pas ? Bah ouais, maintenant que tu m'as au téléphone, c'est le but. Ouais. J'aurais aimé t'appeler, te parler par rapport à un sujet qui me travaille beaucoup ces derniers temps. J'ai l'impression en fait que tu me prends pour ton soumis et tout, quoi. Et franchement, ça commence à être dur à vivre et je commence à en avoir marre, quoi. Tu veux un mouchoir? Bah non, je veux pas un mouchoir, mais. Mais je sais pas, toi j'ai l'impression que tu t'en bats les couilles de moi et tout, et franchement ça devient pesant, quoi, à vivre et tout, on est ensemble et tout, et là toi t'es comme ça avec moi, t'es méchante, tu mets des gifles devant tout le monde au magasin, c'est toujours toi qui prends toujours toutes les décisions. En même temps, franchement faut savoir te supporter, hein, parce que c'est franchement pas facile. Hein. Bah, tu peux pas dire non plus que je suis un connard ni rien, parce que je suis toujours en train de te faire tout ce que tu me demandes et tout, et puis heureusement parce que jamais ni rien. Heureusement parce que la plupart du temps tu le passes chez moi, donc quand t'es chez moi j'aimerais bien que tu fasses des choses aussi, parce que j'ai l'impression de toujours tout me taper, alors forcément je suis toujours obligée de te dire les choses, et puis c'est ce qui est dingue, c'est que je suis obligée de te les dire. Donc forcément, au bout d'un moment, je gueule, parce qu'au final, je te dis des trucs et tu le fais pas, donc voilà. Parce que quand je te le dis gentiment, ça passe pas, alors que quand je le dis méchamment, ça passe. Voilà. Ouais, mais abuse pas non plus, quoi. C'est toujours moi qui, quand je viens chez toi, je suis toujours en train de tout payer et tout. Et là, toi, tu me dis que en gros, je dois me taper encore des trucs à faire chez toi. Non, je suis désolé, ça marche pas comme tout ça. Tout payer, excuse-moi, mais t'es combien de jours par semaine chez moi, par rapport à chez tes parents?

si c'est pas plein avant, c'est que ça lui va comme ça aussi. Non, là, ça lui va plus, en tout cas. En tout cas, il nous a appelé justement pour ça, parce que ça ne lui va plus. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement, à un moment, le rôle va bien, mais là, maintenant, c'est trop. Donc, il s'agit de rééquilibrer un petit peu. Toi, tu as dit aussi qu'il y a des choses qu'il ne fait pas, et que t'es obligé de gueuler pour qu'il fasse les choses, parce que si tu le dis gentiment, il ne les fait pas. Il faut certainement que ça aussi, ça change, pour éviter que t'aies besoin de gueuler, et que du coup, vous soyez dans ce rapport qui passe tout le temps par la violence. Parce que là, du coup, il a peur de toi. Or, ça, on c'est reste... marrant, ça, c'est vraiment t'aider. Je vois pas quel est le lien. Je viens de cramer un truc, je sais pourquoi tu fais pas le ménage. En vrai, c'est parce que t'as oublié le balai dans ton cul, quoi. Ok. Écoute, Manon, je crois que c'est pas vraiment le propos. On est là pour essayer de trouver une solution et de faire que vous vous compreniez et que vous avanciez. Je crois pas que ce soit vraiment le meilleur moment pour dire ce genre de choses. Ça va pas l'aider et ça va pas t'aider non plus. Maintenant, faut savoir si toi t'as envie que ça avance ou pas. Bah moi ça avance très bien dans tous les cas, je suis bien dans mes baskets, ça fait 8 mois qu'il est comme ça, je suis pas proche, d'un coup il se plaint. Bah parce que c'est trop, il en peut plus, voilà, c'est trop, ça a été un certain temps. J'ai toujours été comme ça, hein. J'ai été comme ça depuis le début. Ouais mais faut que tu comprennes à un moment que voilà, j'en ai ras le bol, je t'aime, tu le sais, hein, mais j'aimerais bien que ça change quoi, que d'arrêter d'être ta merde tout le temps, tu me parles tout le temps mal. Bah je crois Manon justement regarde, que t'as... Là, on est devant la France entière, t'as vu comment tu me parles. La France entière. Ah oui, la France entière, mais ça c'est pas très... Enfin, à la rigueur on s'en fout, c'est juste pour vous quoi, tu vois, pour que ça fonctionne bien tous les deux, parce que là Manon, tu fais ta grande et tout machin, mais ça n'impressionne personne, en tout cas pas ici. Mais c'est pas que je fais ma grande, c'est qu'il a encore du lait au bout du nez quoi. Ah ouais, mais ça te touche pas du tout ? Genre il y a ton mec par exemple qui te dit vraiment ça me fait de la peine, j'ai envie que ça change et tout, parce que certes il a pris sur lui pendant tous ces mois, parce que tu dis ouais ça fait presque un an et il dit rien, parce qu'il te kiffe tellement qu'il s'est dit bon bah je vais aller dans son sens. Non. Il me le dira en face peut-être, mais au téléphone ça me touche pas spécialement. Ouais ça te fait rien du tout quoi, au contraire tu trouves ça ridicule si un mec se plaint, si un mec a un peu de sensibilité, si un mec pleure un peu, tu voilà, toi c'est ridicule. Non même pas ça, c'est que enfin au téléphone ça me touche pas spécialement, moi je suis quelqu'un qui est face à face et il a pas réussi à te le dire en face à face, enfin il dit qu'il l'a déjà évoqué, mais en tout cas il a peur de toi physiquement, et donc oui en face à face c'est trop dur, donc c'est pour ça qu'il passe par un appel téléphonique et qu'il nous demande notre aide, hein, je pense que tu peux peut-être entendre que là c'est peut-être un peu trop, qu'il faut peut-être un peu rééquilibrer, que tu sois moins sa maman comme tu l'as dit, t'as l'impression d'avoir un gamin, c'est pas un gamin que t'as, c'est un mec, faut lui laisser un peu plus de place, faut certainement que lui il entende aussi que il fasse les choses quand tu les demandes tout de suite sans que tu sois obligé de gueuler, et que le rapport soit un peu plus équilibré. Ouais, peut-être. Enfin, il faut qu'il fasse... Moi, je ne ferai pas forcément d'efforts quand il y en fera pas, parce que franchement, il y a des fois, c'est... C'est super chiant. C'est super chiant. Alors, je pense qu'effectivement, il y a un délire comme quoi il vient souvent chez toi et tout. Ça, je pense que c'est pas en ta faveur, Nicolas, parce que du coup, t'es sur son terrain et sur son terrain, c'est elle qui décide, c'est elle qui choisit, tu vois. T'as pas d'appartement, toi, Nico, pour Non, je vis encore chez mes parents et c'est pour ça que je galère à trouver du travail. Je fais de l'intérim, mais bon, je travaille peut-être 2-3 fois par semaine, quoi, c'est tout. Ouais, parce que franchement, on a tous. Je suis désolé de te dire ça, Manon, mais on a tous des potes, des amis où il y a toujours un couple où ça se passe un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire, il y en a un qui domine l'autre et qui le savate tout le temps sans arrêt. Je suis désolé de te le dire, Manon, mais à mon avis, t'es pas heureuse et Nicolas, t'es pas heureux non plus. Et franchement, je me pose la question de savoir qu'est-ce que vous foutez ensemble tous les deux, quoi. Si c'est pour vous parler comme ça, ça sert à quoi d'être ensemble ? Franchement, vous prenez du plaisir à être ensemble. Vous faites l'amour, vous faites des trucs ensemble, vous rigolez, vous souriez. Là, vous avez l'air de vous faire la gueule et de vous parler comme à des chiens. Sérieux, c'est pas ça l'amour ? Qu'est-ce que vous foutez ensemble tous les deux là ? Je sais pas. Bah ouais, non, je sais pas, Nico. T'aimes bien te faire traiter comme si t'étais la dernière des merdes ? Non, forcément non. Ah ouais, non, mais je suis amoureux. Mais réveille-toi ! Ouais. Bah ouais, Nico. T'es amoureux de qui là ? T'es amoureux d'une nana qui te traite de connard et qui te met des claques dans la gueule ? Manon, tu vas le perdre et tu vas le regretter. Il y a des raisons quand même. Je veux dire, c'est pas. Oui, mais vous avez mis un truc en place dont il faut sortir. Voilà, vous êtes rentré dans une routine qui est celle-là et qui n'est pas bonne. Et votre couple, effectivement, il est voué à l'échec si vous continuez pareil. Là, il est venu dire moi, ça me suffit, stop. Voilà, à vous de sortir de là, de discuter, de vous mettre face à face et puis de voir si déjà pour vous arrêtez. Quelque chose de lui-même. Eh ben c'est bien. Chapeau. Donc, eh ben justement. Mon chapeau. Hein. Ben voilà, valorise ça. Regarde, aujourd'hui, il a fait quelque chose. Donc voilà, c'est un premier pas. Il faut sortir de là. Maintenant, si vous avez envie, parce que peut-être que la meilleure solution, c'est de s'arrêter là. Non, moi j'ai envie que ça continue forcément, mais dans le bon sens, quoi. Bah oui, mais alors il faut aussi que toi tu fasses des efforts. Ouais, et que tu laisses pas les choses continuer pareil, et que tu fasses aussi des choses plus spontanément. Ouais. En fait, t'as été à la poste, t'as déposé ma lettre comme j'avais demandé. Ouais. Elle est géniale, Manon, mais insupportable. Et tu l'as fait, Nicolas? Tu l'as fait, Nicolas? Je suis sûr. Non, j'ai oublié. Non mais en même temps c'est pas ton larbin, voilà. Non plus, je veux dire, enfin ouais. Tu vois. Le staff, la poste, il faut qu'il fasse un recommandé, il l'a pas fait. Voilà. Et c'est ce que je dis. Ok, bon, je crois que des fois tu t'emmerdes dans des relations qu'on ni queue ni tête et tu sais pas que à côté tu pourrais être avec quelqu'un avec qui ça se passe très bien, avec qui tu serais vachement heureux. Et des fois il faut prendre le risque de plus avoir cette relation, quoi. Moi je ne peux que vous conseiller de vous séparer, hein, et ça ira mieux comme pour l'un comme pour l'autre. Maintenant, bah ouais, je crois que ce serait pas mal. Hein. Ouais, et puis Nicolas, arrête de faire ta victime, quoi. Qu'est-ce que t'as dit, Manon ? J'ai dit s'il te plaît, là. Et j'ai dit qu'il devait poser ma lettre demain, s'il te plaît. Putain. Trouve un facteur, bordel. Nous emmerde pas. Putain, c'est incroyable. Bon, bah, Manon, ravi de t'avoir parlé. Je sais pas si je t'adore. Merci. Ou si je te déteste. Il y a un côté un peu, ouais. Ouais, il y a un côté. Je l'ai jamais fait avec Nico, tu vois. Oh, putain, tu l'as jamais la faire. Tu vois. Ok. Eh ben, Manon, gros bisous, à bientôt. Ouais, salut. Salut. Bisous. Salut, ciao. On a raccroché, ta meuf là, Nicolas. Ouais. Merci. Il dit merci. Putain, non, sans déconner, Nico. Attends. Qu'est-ce que tu fais avec elle? À la fin, tu parlais même plus. Tu vois, elle commence à te traiter comme une merde. En fait, c'est dur à vivre, quoi. C'est tout le temps pareil. Vous avez vu comment elle est au téléphone devant vous et comme ça tous les jours. Et tu t'infliges ça, quoi. Voilà, c'est ça. Mais Nicolas, c'est un mode relationnel. C'est une façon d'être. Et il y a des couples qui restent comme ça pendant des années parce que ça leur va bien de se faire martyriser. Puis il y a l'autre qui martyrise. Et alors, et ça va, et ça continue. Et alors, pour les amis autour, c'est un enfer. C'est absolument atroce à vivre. Donc, en général, ils voient plus personne. Et puis finalement, tu te retrouves complètement enfermé sur cette histoire-là dont tu sors pas. Et à un moment donné, t'es fait pour vivre autre chose. Elle aussi, certainement d'ailleurs, parce que comme elle le dit, c'est chiant. Oui, mais sinon, ouais, je sais bien, c'est un travail aussi à faire sur moi, mais. Ouais, et elle aussi. Donc, Oui, c'est ça, c'est tous les deux. Bah, faites-le tous les deux, ou sans l'un ni l'autre. Mais enfin, avancez, quoi. Ouais. Ouais. Allez, on n'a qu'une vie, Nicolas. Hein. Donc, faut essayer de bien en profiter, hein, et de pas s'emmerder avec des gens avec qui ça le fait pas, quoi. Mmh. Oui, je comprends. Ouais. Voilà. Donc, télécharge l'application Tinder. Nicolas, on te fait un gros bisou. Alors, on prendra des nouvelles de Nicolas. Ouais. Ben, oui. Non mais, là, c'est sûr. Non mais Manon, vous allez discuter, hein, je pense. Bon, je peux demander un petit quelque chose, s'il vous plaît, quand même. Oui. Tout ce que tu veux. Vas-y, Nico. Par hasard, je pourrais quand même avoir des capotes au cas où ça s'arrange avec elle. Oh mais non, oui, on va t'offrir des préservatifs Durex Red bientôt à la maison, là, pour tous ceux qui passent à l'antenne ce soir, d'accord? Super, merci. Bon, allez, bon courage, Nico. Oui. Merci beaucoup, je vous rappellerai. Tu nous écris sur la page Facebook si ça va pas, et puis on s'écrit par message, ok? Et merci. On reprendra des nouvelles de Nicolas dimanche soir. Dimanche soir, on appellera en direct. Salut, Nico. Merci bien, bonne soirée à vous, tout le monde. Bisous. Salut, ciao. Non, mais moi, Manon, elle m'a pas du tout étonné. Hein. Franchement, dans plein de couples, c'est comme ça. Ouais, mais vraiment, elle. Mais grosse personnalité, gros caractère. Et à partir du moment où t'es rentré dans le jeu de vas-y, je te parle comme à une merde, ça y est, c'est parti. Bah ouais, ça marche, comme elle a dit. Hein. Bah ouais. Je vois que ça marche et j'ai du plaisir à le faire. Là qu'il faut avoir du caractère et puis à un moment donné se dire que c'est pas ça le bonheur, quoi. Et même si t'es amoureux, hein, c'est un débile, quoi. Et t'es amoureux. Ouais, ça, quoi. Putain, t'es amoureux de quoi, là? Amoureux d'une conne? Merde. Non, mais c'est vrai. Ah, allez. Ça nous l'a rendu chafouin, hein. Ah, ça m'énerve. Il est pas content, ça m'énerve. Carrel, hein. J'ai vécu ça. Mais en fait, c'est ça. On a ressenti que finalement, tu avais vécu cette même chose. Donc tu t'es énervé comme après le jeune Carrel qui était Nicolas. Et moi, c'était une de mes premières relations. Et c'est vrai que j'étais très, très amoureux d'elle et elle avait elle me dominait de ouf et elle me parlait souvent comme à une merde et moi j'étais trop gentil quand même. Et c'est elle qui t'a quitté en plus. Et c'est elle qui m'a quitté, qui m'a trompé. Voilà. Mais

de femme et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme-femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je suis jaloux. Je suis jaloux. Ouh. Même si j'ai confiance en toi. À la maison, sur les routes. Merci d'écouter Fun Radio. C'était Dadju et Jaloux. Love is Fun. Love is Fun. 22h minuit. Sur Fun Radio. Connectez-vous, hein, tous les soirs. On est en direct. On est filmé. La radio en streaming, Fun Radio en streaming tous les soirs depuis l'application à télécharger sur les mobiles, l'application Fun Radio, ou directement depuis le site funradio.fr. On salue tous ceux qui sont connectés là, merci beaucoup d'être avec nous. On partage tout dans cette émission. Dans quelques minutes, on jouera à la battle. Je rappelle qu'il y a 100€ de chèque cadeau à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Ce soir, on fera une battle de simulation d'orgasme. Les mecs, les filles, c'est le moment de vous lâcher sur l'antenne de Fun Radio. On fera une demi-finale et une finale. Hein. On va faire les choses en grand, hein, comme d'habitude. Et puis je le rappelle, lundi dans une semaine, le Christmas Tour is back. On va s'éclater au Meltdown. On va à Rennes, on va en Bretagne. Je suis tellement content d'aller en Bretagne. Ah putain, Queen Yaman, bien sûr. Tout de suite. Ah bah, ça c'est Coco du standard. Il connaît pas bien la Bretagne. Il voit que le Queen Yaman. Allez, ta gueule, Coco. Hein? Et alors, on sera le lundi 10 décembre au bar Le Meltdown Arena. C'est le repère des gamers. Si vous voulez vous inscrire, c'est se passe sur Facebook. On a créé un événement sur la page Love in Fun. N'hésitez pas à vous inscrire. On vous fera découvrir là-bas. Enfin, vous nous ferez surtout découvrir la rue de la soif. Ah, bah oui, bien sûr. Et puis, on fera les cons. En plus, le Meltdown, c'est un endroit, c'est un bar voilà, où on boit des coups et on joue aux jeux vidéo. C'est ça. On vous attend même dès 20h carrément pour profiter ensemble pendant 2h avant de démarrer l'émission en direct depuis le bar. Voilà, comme ça vous pourrez faire des petites battles sur Overwatch avec nous, sur Fortnite, sur ce que vous voulez. On va s'affronter. On vous mettra vos traces. Hein. Restez bien avec nous. On va parler là maintenant de ceux qui font l'amour par téléphone ou par webcam. Est-ce que c'est un bon plan, un mauvais plan? Venez nous raconter vos expériences. Alice, on en a parlé sur les réseaux sociaux. On a reçu un petit message en fait de Steven. C'est sa meuf qui lui a proposé d'entretenir pendant les vacances en fait une relation par téléphone à distance, sachant qu'ils vont pas se voir pendant presque 2 semaines. Mais lui, il sait pas trop comment se la jouer, parce que c'est vrai que lui il se dit bon bah ma copine ça va tranquille, elle va se mettre en lingerie, ça va m'exciter. Mais lui, il sait pas trop quoi faire. Surtout qu'elle veut commencer direct par l'appel vidéo. D'accord, c'est vrai que quand tu te retrouves à filmer ta bite, c'est un concept, hein, vraiment. Qu'est-ce que je fais, l'hélicoptère, voilà. Je fais des surprises. C'est ça, non, tu la coinces entre tes cuisses et tout, tu fais un vagin, tu fais une petite chatte. Bonsoir Corentin. Salut la famille. Salut. Salut, salut Corentin, bienvenue dans la famille Love in Fun. Qui est la famille, Corentin? À 20 ans, t'es à Bordeaux, Corentin, tu nous appelles pour nous raconter ton expérience, on t'écoute. Eh oui, alors on va dire que j'ai eu une bonne expérience, mais plutôt gênante. Ah. C'est-à-dire que j'ai fait une cam avec mon ex-copine. Ça a commencé à se chauffer, même plutôt bien. Et papa est rentré. Enfin, beau papa est rentré dans la chambre. C'est pas vrai. Voilà. Et elle a pas eu le réflexe de fermer l'ordinateur automatiquement. Mais non. Et donc, toi, tu l'as pas vu tout de suite? Ah si, je suis le premier à l'avoir vue parce qu'elle était dos à la porte et moi je voyais la porte devant moi. Ah t'as rangé ta bite. À l'écran. Donc j'ai vu papa rentrer, la réaction, il a sûrement dû capter que j'étais juste derrière l'ordinateur et enfin de l'autre côté de l'ordinateur et donc il a vu sa fille dans certaines positions plutôt. Elle faisait quoi? Elle était en train de se toucher. Hein. Voilà. Oh là, il y a un truc comme ça. Elle ferme pas sa porte. Elle. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Tout le monde a pelleté. C'était gênant sur le moment, mais finalement, c'est marrant. Et il a dit quoi, le père? Eh bien, alors là, sur le coup, il a gueulé, mais qu'est-ce que tu fais? Elle s'est retournée, elle a dit, c'est pas ce que tu crois. Et ensuite, après, c'est parti en engueulade, elle a fermé l'écran de l'ordinateur. Le tout à et, poil, forcément. Ouais. Et voilà, sinon. Et j'ai eu des nouvelles que 3-4 jours après, quand elle était plus tant mal à l'aise que ça, et elle me disait que son père l'avait privé de tout, parce qu'il était vraiment choqué de ce qu'il avait vu. Elle avait quel âge? Elle avait 18 ans. Et il lui avait demandé forcément avec qui elle était, parce qu'il aurait pu tout imaginer. Elle aurait pu le faire toute seule déjà, en regardant un film. Ou... Exactement. Sauf qu'il savait que c'était moi. D'accord. Et alors, tu es toujours avec elle ou pas? Non. On s'est séparés par la suite, parce que son père n'avait plus du tout le même regard envers moi. Ah ouais? Et le problème, c'est que il y avait quasiment plus de possibilité de se voir parce que le père l'interdisait de sortir parce qu'il avait été, je pense, énormément choqué. Ouais, elle a une vie sexuelle. Elle peut avoir une vie sexuelle toute seule, elle a une vie sexuelle avec toi. Bon, voilà, c'est les outils d'aujourd'hui, quoi. Ouais, mais bon, c'est les darons. Oui, évidemment, je sais bien. Ouais, darons, déjà, parfois, ils ont du mal à envoyer un SMS, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai. En même temps, elle aurait dû fermer la porte à clé pour faire ce genre d'activité. Ça, tout le monde n'a pas des clés. Ah, mais... ouais. Et des fois, on n'a pas le droit d'avoir une clé. C'est ça. Il faut en fabriquer une. Alors, Corentin, reste avec nous, puisque Marie nous rejoint. Bonsoir, Marie. Bonsoir la team. Ça se trouve, c'est l'ex de Corentin qui va nous raconter la même histoire. Hein, de l'autre côté, en Marie, toi, t'as fait l'amour par téléphone, l'amour... Par cam, ouais, surtout par cam. Genre, via quoi En fait, j'étais sur un... Alors déjà, le mot d'ordre, c'est surprise. Surprise, ouais. Alors, j'étais sur un site de rencontre et puis je me suis... À 18 ans. Ouais. Et puis je me suis... Voilà, j'ai rencontré un gars, on a bien papoté, on a commencé à se chauffer. Et puis un jour, il m'a sorti, pourquoi pas faire une cam. Ouais, bien sûr. Vas-y, on montre pas sa tête, vas-y, y a pas de souci. Ah ouais. Donc, on commence à se toucher, machin, on s'excite bien. Moi, ça, franchement, moi, ça montait, fallait dire ce qu'il était. Je pense que lui aussi, ça se voyait. Ah, tu mouillais, quoi. Et il me dit, j'aimerais bien voir ta tête. Je dis, oh, pourquoi pas, mais toi le premier. Il lève la cam et là, surprise. Papa. Mon cousin. Oh non. Mon cousin. Et sur ma tête, je l'ai coupé tout de suite. Et maintenant, dans les réunions de famille, je vous jure, je vais même pas y faire la bise. Mais Marie, mais le délire. Mais Marie, c'est pas possible. Oui, le délire, mais il t'a vu? Ouais. Il t'a vu, toi? Ah non. Non, donc lui, il sait pas que c'est toi. Voilà. Sauf que tu lui dis pas bonjour, donc maintenant il doit savoir. Bah, je lui dis bonjour de loin, mais voilà, je fais comme si je faisais la gueule, que je l'en voulais pour quelque chose, en fait. Ah putain, mais c'est le scénario d'un film, ça. Non, mais sans déconner. Marie. Non, j'ai pas le courage d'assumer, en fait. Et là, qui je vois? Mon cousin. Ça aurait pu être pire. T'as des frères, Marie? Non. Et t'imagines le délire, hein, tu tombes sur quelqu'un de ta famille, genre plus âgé encore, quoi. Non, ça va, c'était ton cousin. Et alors, il a une belle bite, ton cousin, ou pas? Ne réponds pas. Ne réponds pas. Qui a déjà fait l'amour par webcam ou au téléphone dans l'équipe? Moi. Ah, Alice, t'as fait l'amour par quoi, toi? Enfin, l'amour, j'ai pas vraiment fait l'amour, quoi, mais j'ai fait jouir mon partenaire à distance plusieurs fois. Et toi? Et moi? Non, pas spécialement, parce que je trouve que c'est vachement de boulot quand même, hein, tu vois. Donc voilà, je l'ai fait plusieurs fois, mais pas des trucs où j'étais totalement à poil, quoi. Des trucs un peu sexy dans la suggestion, et puis voilà. Par contre, je voyais en face une teub en train de se branler, hein. Voilà. Oh, putain, on est cache. Ouais. Bah vous les mecs, c'est pas pareil, hein. Tu mets un peu de dentelle, ça fait pas le même effet. Hein, donc, on est plutôt cache, quoi. C'est vrai. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Des fois, je sais pas, c'est limite un peu mal à l'aise et tout, tu sais. Parce que en même temps, tu vois l'écran de la nana et tu vois aussi l'écran, ton écran. Ah oui. C'est genre sur Skype en petit et tout, quoi. Donc tu te vois en train de te branler et tout, c'est chelou, quoi. Non, c'est vrai. Kassim, tu l'as fait, toi? Ouais, moi je l'avais fait juste au téléphone aussi. Et en fait, moi ce qui me faisait marrer, c'est que j'arrivais pas à me concentrer et à faire le bruit du gémissement moi-même en lui disant là, je suis en train de te mettre des doigts et tu les sens. Mais je me tout dégoûtais. Ah ouais, non, mais c'est clair, tu as dégoûté la terre entière, Cassim. Ouais. Venez nous dire si vous l'avez fait en tout cas. N'hésitez pas, hein, si vous avez des petites anecdotes comme ça à venir raconter là sur Fun Radio. Vous faites comme Marie et Corentin. Marie et Corentin, on va vous offrir un cadeau. Ouais, super, merci. Les capotes Durex Red pour vous, et puis Sextoy Lelo aussi qu'on va vous envoyer à la maison. Ben nickel. C'est gentil, merci. Ah, comme ça. Avec un sextoy, c'est parfait. Eh ben voilà. Il est pour toi ou il est pour elle, Corentin? Ah ben comme tu veux. Bon, on va t'envoyer un petit plug anal alors si tu veux. Ouais, on va voir. Eh ben voilà, Corentin, les plaisirs de la prostate, c'est pour toi bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Salut Marie, salut Corentin. Salut à tous. Ciao, ciao. On va prendre des nouvelles dans un instant de Stéphane. Stéphane, il a 42 ans et c'est le papa d'un auditeur qui nous avait appelé dans l'émission. Stéphane, t'es là? Ouais, salut. Salut. Le papa de Julien qui nous avait appelé dans l'émission pour nous raconter une grosse galère avec un CPE. Il avait embrassé une fille dans les toilettes et il s'était fait engueuler par son CPE. On débriefe tout ça après Jason Derulo. Goodbye. Girl, I'm down for your loving. Down for my fatty fatty. Down for your loving. Down for my naughty naughty. Down for your loving. I'm giving you loving. Stay with me, cause it's time to say goodbye. Don't leave me alone. Just stay for the night. I need you tonight. Baby, you know that it's time to say goodbye. But don't leave me alone. Just stay for the night. I need you tonight. Baby, you know that it's. Dame solo un momento. Quiero sentir tu cuerpo. Yeah. Que ya no tengo tiempo. Tú y yo una noche de fuego. Oui. Te hablo francés, like si. Te explico que soy de ti. Parlez-vous français. Oui. Síguelo. Jason Derulo et David Guetta sur Fun Radio. De 22h à minuit. Love in Fun. Du sexe. De l'amour. Et du fun. Sur Fun Radio. Inscrivez-vous pour la battle. C'est 100€ de chèque cadeau à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Tous les soirs de la semaine, on va faire un jeu différent. Ce soir, petite battle de simulation d'orgasme. Alors, vous serez 4 à l'antenne. pour la demi-finale et deux pour la grande finale. Hein, la grande finale de l'orgasme de l'année 2018, ce sera tout à l'heure. Il suffit de nous faire votre plus belle simulation d'orgasme hein, et vous pourrez repartir avec les 100€ de chèque cadeau à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Et franchement, vous allez vous régaler parce qu'il y a, plein de sweats, de t-shirts. T'en as un même, toi, ce soir là. Pour les filles, ouais, j'ai ton pull Balek. Ouais, bah, c'est mon préf. Il me va bien. Hein. Moi, j'en ai un raclette, tartiflette, grassouillette. Ah, il me va très bien aussi. Mais bien sûr, franchement, ils sont super cool. Donc, n'hésitez pas. 01 42 48 5000. Stéphane, t'es là? Salut, je suis là toujours. Salut à toi, Stéphane. Tu es le papa de Julien. Et ouais. Et voilà. Julien qui nous avait appelé dans l'émission et qui nous avait dit voilà, j'ai une grosse galère, je suis emmerdé par le CPE, je me retrouve voilà à devoir, alors, je crois qu'il était convoqué, c'est ça, par le CPE hein. Et ouais. il avait peur d'appeler donc son papa, donc c'est toi, il avait peur de t'annoncer la nouvelle. Et nous quand il nous avait dit pourquoi il avait été convoqué par le CPE avec toi, enfin franchement on trouvait que c'était injuste, c'est-à-dire que il avait été gaulé dans les toilettes des filles avec sa copine, en train de galocher sa copine. Enfin ça. Et de lui toucher les fesses. Et ah oui. Enfin, ça, donc, oui mais attention. Il a frôlé son syndical. Minimum syndical, dit Stéphane. Alors Stéphane, je me souviens mais que. Mais c'était un établissement privé. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas le problème. C'était un peu tendu et du coup Stéphane, voilà, on t'avait appelé à l'antenne. Donc ce que je propose, c'est qu'on réécoute justement un petit peu ce moment-là où on t'avait appelé. Ouais. Et derrière, tu vas nous expliquer comment ça s'est passé, parce que t'es allé voir le CPE et il y a eu une explication. Écoutez. Oui, allô? Oui, allô, papa, ça va? Salut, ça va? Oui. Ça s'est bien passé ta journée? Non, on peut pas dire ça. C'est pour ça, ça me fait presque plaisir que t'appelles. C'est pas mal. Okay. Ça. Et toi? Moi, cet après-midi, s'est passé un petit truc au collège. Ah? Ouais. Bah, tu vois, Inès. Je t'en avais Inès. Parlé. La petite que j'aimais bien. La petite brune, là. Oui. Ouais. Bah, on est sortis ensemble, etc. Et cet après-midi, on allait dans les toilettes des filles. Et j'ai commencé à lui rouler des pelles, etc. Sauf qu'il y a des filles qui sont allées nous balancer à la pionne, qui m'a balancé au CPE. Ouais. Et bah, il a dit qu'il allait t'envoyer un courrier à toi et à maman. Pour une exclusion de quelques jours. Et il compte t'appeler ce soir, normalement. Recommence voir, tu faisais quoi? T'étais où, tu m'as dit? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'étais dans les toilettes des filles en train de rouler des pelles à Inès. Ouais, et c'est tout? Oui. Tu faisais que Non, bah ouais, je lui ai touché un peu les fesses aussi. Ouais, bah ça c'est pas grave non plus, elle était d'accord? Oui. Ouais, bon bah. Il y a des intellos qui sont allés répéter ça à la pionne et je me suis fait engueuler. D'accord. Et du coup, qui c'est qui doit m'appeler alors, le directeur? Bah, le CPE. Le CPE, oui. Et oui, bah, c'est... Ouais, je sais pas trop comment je dois le prendre, ça m'a pas l'air trop grave quand même. De toute façon, c'est bien une fille. T'es pas gay, ça va. Non, je suis pas gay. Déjà, ça peut rassurer ta mère. Il est avec moi, je te le passe. Le CPE? Oui. Ah, bah, oui, vas-y, ouais. Oui, vas-y. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Vous êtes le papa de Julien? De Julien. Oui, tout à fait, oui. Enchanté, monsieur. Enchanté, de même. Enchanté, je suis... C'est mon nouveau beau-père. Il couche toi, sur maman. Tu fermes ta gueule. Je suis... Comment vous parlez? Vous parlez comment, mon fils, là? Vous êtes qui? Répétez-moi, vous êtes qui exactement, ça? Je suis monsieur Thoraval. Monsieur Thoraval, je suis le CPE de l'établissement de Julien. Voilà, nous avons surpris Julien cet après-midi en belle compagnie, c'est sûr. Hein, à rouler des pelles, à toucher un postérieur. C'est une attitude inacceptable. Vous trouvez vraiment ça inacceptable? Je pense que ça faisait plus déjà, même à son âge. Mais jamais. Bon. Depuis ma longue carrière, je n'ai vu un élève aussi dissipé et aussi dragueur. Hein. Il tient. Ça ne m'étonne pas de. À mon avis, c'est son éducation qui est à revoir. Ouais, enfin, si vous le voyez comme ça, peut-être, mais vous faites quoi, vous faisiez quoi avant d'être directeur? Vous étiez moine, vous étiez, dites-moi? Pas du tout. Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre? Je sais pas, ça me paraît un petit peu... Oui, alors le papa est dragueur et volage également, c'est ça? Je dirais pas jusque-là, mais j'y étais étant jeune, oui, forcément. Ben voilà, et vous êtes fier de votre fils? Pour le coup, oui, si, oui. Ben voilà, donc... En tout cas, ça me choque pas... Oui. Je suis pas choqué plus que ça, non. Ah bah, vous n'êtes pas choqué, vous? Non, ça me fait même presque plaisir. Tu vois, Julien, il a bien accepté ton père. Voilà, l'affaire est entendue. Donc, Stéphane, t'es en direct sur Fun Radio. Julien avait peur. Hein, la brutalité, Stéphane. Oui. Bonsoir, oui. Stéphane, t'es en direct. Bonsoir. Sur Fun Radio. Je me suis dit, je vais me faire passer pour le CPE. Comme ça, Stéphane, il va défendre son fils. Et après, il pourra plus engueuler son fils. Non, mais je n'aurais pas engueulé de toute façon pour ça, mais ouais. Alors, non, Julien, non, Julien, tout ce que t'as dit à ton père, c'est la vérité, hein. On est bien d'accord, il n'y a pas eu d'autre. Il y a la pression qui tombe. Alors, t'es dans Love in Fun, Stéphane, voilà, t'es en direct, il y a Doc qui est là, il est médecin, bonsoir. Sexologue, Alice, astrologue, oui, voilà. Ses heures perdues, C'est quoi comme radio, vous m'avez dit? Love in Fun, Fun Radio. Love in Fun, d'accord. Tu connais? Ouais. Oui, j'ai déjà vu comme ça, je vous cache pas que j'écoute pas trop non plus. Mais, oui, ouais. Tout le monde a des défauts, hein, nous aussi, hein. C'est ça. Personne n'est parfait. Et Stéphane, on t'a appelé parce que tu vois ton fils. L'émission est plutôt pour ton fils d'ailleurs. Hein, et ton fils, il nous a appelé, voilà, parce qu'il se sentait pas bien. Il nous a dit, j'ai rien fait de mal, mais c'est les intellos. Elles sont allées parler, elles m'ont balancé. Et mon père, peut-être qu'il va être énervé et tout. Et Stéphane, tu le prends super bien. Hein. C'est juste normal, je trouve. Hein. Mais c'est juste papa. Oui, papa. Dis-moi, Julien. Du coup, pour les exclusions, on va faire comment? Non mais ça c'est honteux. Il compte vraiment t'exclure? Bah oui, il va t'envoyer un courrier normalement demain. Alors, franchement, je pense que j'attends un courrier, on verra. Déjà, je pense que tu veux discuter avec le directeur certainement, parce que juste tu l'as embrassé et touché les fesses dans les toilettes. Voilà. Bon, je crois pas qu'elle est d'accord, il y a pas de souci. Je pense surtout qu'elle est d'accord. Oui, ça j'ose espérer. Là, c'est sûr qu'on est parti sur le fait qu'elle était d'accord. C'est un bahut hyper strict ou quoi là, parce que là. C'est privé. J'aime bien. Y aller, donc forcément. J'étais dans un lycée privé, j'y allais quand même. Hein. Et j'ai pas eu de problème. Non, mais moi c'est pareil. Je pense que je faisais bien pire, mais bon. Certainement que les filles étaient jalouses, celles qui sont allées te dénoncer. Ça doit être ça. C'est ça, Julien. Peut-être aussi. Ouais. Peut-être. T'es un bourreau des cœurs. Elles sont toutes amoureuses de toi. C'est ça, Julien? Jusque là. Bon, en attendant, ça se passe plutôt bien. Tu vois, ton père, il l'a bien pris, il est même prêt à te défendre. Il trouve que c'est un petit peu, franchement, moi, je trouve que c'est carrément choquant, quoi. Complètement. De se faire virer du bahut juste parce que t'as embrassé ta copine dans les toilettes du bahut, quoi. Enfin, ça va, quoi. Ouais. On était choqués. C'est vrai que quand on se réécoute comme ça, on s'est entendu choqué. Doc était choqué, Alice était choquée, j'étais choqué. Le choc. C'était le choc. Stéphane, tu viens de te réentendre et tout, ça a dû te faire marrer. Ouais, un petit peu, ouais. Ça fait bizarre la voix, mais ça va, ouais. Bah bien sûr, non mais t'as une très belle voix, Stéphane. Donc Stéphane, c'est donc le papa qu'on vient d'entendre. Alors pourquoi c'est pas ton fils qui nous appelle ce soir, Stéphane? Eh ben parce que il s'avérait que ça, il s'est passé un petit truc marrant quand je suis allé voir le CPE et il y a eu une drôle de rencontre en fait dans le. Raconte-nous alors. Donc tu es convoqué par le CPE. Donc là, je m'étais fait passer pour le CPE. Donc comme ça, t'avais eu l'occasion de répéter un petit peu ce que t'allais pouvoir lui dire. Qu'est-ce que ça a donné alors, Stéphane? Alors pour le coup, il était aussi coincé que toi. Tu semblais l'être au téléphone. Il y a pas de souci. Ok. Mais donc après m'avoir pas mal expliqué que son établissement c'était plus que sérieux, il avait du personnel qui était qualifié, qu'il avait essayé de faire vraiment de prendre des gens irréprochables et tout, que l'encadrement était au top. Et du coup le fait d'embrasser un petit peu, ça l'a choqué, ça paraissait bizarre. Et moi j'ai continué à lui dire qu'il y avait rien de grave, j'ai insisté un petit peu là-dessus et c'est monté un petit peu dans les tours. On a commencé quand même à s'engueuler un petit peu, on va dire comme il faut dans le bureau. Ça m'étonne pas, t'as une grande gueule. C'est ça. Ouais, bah oui. Ça lui n'est... Mais t'as raison. Non, mais bon, je trouve ça juste normal en même temps, c'était un peu léger. Et du coup, il y a la directrice adjointe qui était dans le bureau d'à côté, qui a voulu se mêler, qui est venue voir ce qui se passait un petit peu. Et en la voyant, au moment où elle a ouvert la porte, on s'est regardé tous les deux et on s'est reconnus aussitôt. Et il se trouve en fait que je fais, bon, ça m'arrive de faire des soirées libertines de temps en temps du côté de Reims. Ah putain, je suis choqué Stéphane. C'est quoi cette histoire? Il faut appeler le CPE. Bon. Et là tu vois une ancienne conquête, c'est ça en fait. Allez, elle était pas que non, c'est pas que ancienne non plus, c'est on se voit un petit peu régulièrement là-bas en plus. D'accord. Ah, salut Michel. Ah bah non, moi c'est Stéphane. Hein, et alors Michel, du coup c'est Jackie. Ouais. Ah bah alors, du coup tu la reconnais, elle te reconnaît, qu'est-ce qui se passe? On se reconnaît. Alors elle se trouve toute gênée, là, je vois que elle a rougi réellement. Et après comment? Elle savait pas trop comment. Elle a demandé un petit peu ce qui se passait. Elle a compris et tout. Et elle a vu que j'étais pas d'accord non plus. Et elle a pas voulu, à mon avis, elle a pas voulu que je fasse d'esclandre ou quoi que ce soit. Et donc après, elle a pris un petit peu mon parti justement. Elle a hésité. Elle a pas voulu. Elle pouvait pas non plus descendre le CPE, bien sûr. Hein. Ah, tu dois être un bon coup, Stéphane. Ah, c'est pas à moi de le dire ça. Hein. Et alors, donc elle prend ton parti. Qu'est-ce qui se passe après? Elle prend mon parti et justement, elle l'a repris un petit peu en lui expliquant, parce que le CPE, c'est un ancien militaire justement, et qui est, elle a été jusqu'à d'ailleurs lui parler que là-bas, il avait certainement vu d'autres trucs aussi, que c'était pas grand-chose et que finalement, elle a essayé de placer le truc un petit peu pour que ce soit beaucoup moins grave. Okay. Et on a réussi à arranger le truc un petit peu, et là, elle m'a demandé justement de sortir, de m'attendre un petit peu, elle allait discuter avec lui, voir ce qu'ils allaient faire, comment ça allait se passer, s'il excluait de 3 jours ou quoi. Et elle m'a demandé quand même de l'attendre justement dans le couloir à côté. Donc j'ai attendu, comme un enfant qui est au collège. Ouais. J'ai attendu à côté la directrice. Et quand elle est sortie, elle m'a pris à part et elle m'a dit, écoute, s'il te plaît, donc Julien ne sera pas exclu, il n'y a pas de souci là-dessus. Et par contre, elle m'a demandé de justement ne pas parler de ça, de ne pas parler à Julien et d'éviter de faire du bruit autour de ça pour bien sûr sa réputation et tout ce qui va autour. Et elle m'a promis des belles petites choses la prochaine fois qu'on se reverrait. Ah, ben, sauvé par un plan cul. Eh mais sans déconner. C'est quand même pas mal. Hein, eh ben alors, comme fier, ça, hein. on est libertin du côté de Reims. Oh, il n'y a pas que là, mais oui, bien sûr. Ah, oui. Je fais ma tournée de temps en temps dans toutes les plus grandes villes de France. Retrouver Stéphane pour ses soirées libertines. Ses soirées entre amis. Hein, ces soirées coquines. Non mais c'est cool ça passait comme ça, Stéphane. A sauvé son fils. Ouais, voilà. Ça lui évite d'avoir des jours, quelque chose dans le dossier, c'est pas mal. Trois fois rien en plus. Ouais, voilà. Franchement. Voilà, c'était rien du tout, c'était vraiment insignifiant, donc bon. Ça ne remet pas en cause la probité de cet établissement. Bien évidemment. Quel beau mot. Certainement pas, en aucun cas, voyons. Eh bien voilà, eh bien on te souhaite une belle probité, Stéphane. Je crois pas que ça s'utilise comme ça, mais j'avais envie de l'utiliser comme doc. J'étais jaloux de... La pro de côté, hein. Eh ben tu reviens quand tu veux, Stéphane. Merci beaucoup. Embrasse Julien, hein. Pas de problème, je lui dirai, je lui passerai le bonjour, il n'y a pas de souci. Puis bisous à toute l'équipe alors. Gros bisous. Salut. Ciao, ciao. Dans un instant, c'est la battle. Salut, salut. Salut Stéphane. Dans un instant, je vous l'ai dit, oui, c'est la battle. 100 euros de chèque cadeau à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Bonsoir, Robin. Ouais, salut l'équipe, comment ça va ce soir? Salut. Ça va bien, Robin. Bonsoir, Manon. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Ça va bien. Hello. Thomas, t'es là? Oui, bonjour. Il reste encore une place pour participer à la battle d'orgasme dans un instant. 01 42 48 5000. Ça y est, la place est prise. Léa, t'es là? Oui. Ah, Léa va participer à la bataille d'orgasme dans un instant. Vous restez bien avec nous. On parlera des meilleures techniques pour choper un numéro de téléphone de quelqu'un qu'on kiffe. 01 42 48 5000. On vient avec Love Luxury et Body. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Le calendrier de l'Avent est de retour sur Fun Radio. Tous les jours, inscrivez-vous en envoyant le mot Noël par SMS au 74 900 pour tenter de gagner des PS4, des séjours à Avoria 1800 pour le réveillon, des Nintendo Switch, 6 mois de repas livrés par Just Eat et plein d'autres surprises. C'est gagné, bravo! C'est déjà Noël. Merry Christmas! Avec le calendrier de l'Avent Fun Radio.

C'est Loving Fun sur Fun Radio. J'espère que vous passez une bonne soirée. Vous êtes à la maison en train de nous écouter, peut-être dans le lit. Il y en a qui nous écoutent aussi, qui sont sur les routes. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y en a qui bossent. Bienvenue sur Fun Radio. C'est Loving Fun tous les soirs. Une émission où on vous conseille. On est là pour vous aider, pour vous écouter, pour partager aussi, bien sûr, hein, toute votre vie, la nôtre aussi. Tous ensemble au 01 42 48 5000. Via les réseaux sociaux également avec l'Instagram de Fun Radio, l'Instagram de Loving Fun, hein, pour retrouver plein de photos et les stories tous les jours qu'on vous met. Tout à l'heure, je suis allé chercher mon fils à l'école. Et je suis allé chercher mon fils à l'école et je suis tombé sur une auditrice. Ouais. Qui m'a reconnu et tout. Elle m'a dit Karel. Ouais, c'est moi, ouais. Et elle s'appelle Céline. Et on a discuté un petit peu et tout. Parce que j'étais un petit peu en avance, machin. Et elle m'a dit, moi, j'adore vous écouter le soir. Et souvent, je me couche un petit peu plus tôt et tout. Donc, je vous écoute en podcast. Et ce que j'adore aussi, c'est regarder vos vidéos sur YouTube. Et ben, n'hésitez pas à faire comme Céline, parce que les vidéos YouTube, on vous en met de plus en plus souvent. Là, il y a une chaîne YouTube, Love in Fun. Il faut vous abonner. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'abonnés. Franchement, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, la dernière vidéo qu'on vous a mise là en ligne, c'est Mehdi qui avait annoncé à sa maman qu'il avait utilisé sa carte bleue pour prendre un abonnement d'un an à un site de cul. Parce qu'il avait vu une super promo. Il était magique. La mère était magique, franchement. N'hésitez pas à aller mater ça et à vous abonner à la chaîne YouTube de Love in Fun. On va accueillir nos candidats pour la battle. Car oui, c'est la battle ce soir. La battle, Love in Fun, sur Fun Radio. Pendant deux semaines, on va se faire tous les soirs une battle différente, un jeu différent ce soir. Pour gagner 100 euros de chèques cadeaux à dépenser sur le site t-shirt-corner.com, nous accueillons nos quatre candidats. Robin, 23 ans de Dunkerque, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Salut. Salut. Bonsoir Manon, bonsoir. 22 ans de Tours. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Manon. Salut. Bonsoir Thomas, 16 ans d'Épinal. Oui, bonsoir. Bonsoir Thomas. Pas tranquille, hein. Ouais. Bonsoir Léa, 21 ans d'Amiens. Salut à tous. Salut. Salut. Vous savez que vous êtes là pour participer au concours d'orgasme. Oui, tout à fait. Oui. Thomas me fait peur. Thomas, c'est le plus jeune. Il a 16 ans et il me fait très peur. J'ai l'impression qu'il a sa quéquette à la main pour faire l'orgasme. Il a bien raison, vas-y, hein, Thomas. J'ai l'impression qu'on va avoir du vrai avec Thomas. Encore, Karel. Calme-toi, mon Thomas. Ce soir, donc, Robin face à Manon, face à Thomas, face à Léa, vous allez tous faire semblant d'avoir un orgasme. Vous allez simuler un orgasme, chacun à votre tour. Ça va se passer en deux étapes. D'abord, la demi-finale qui commence maintenant et ensuite, on prendra les deux meilleurs pour faire la grande finale. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. On va donc commencer par Robin, 23 ans de Dunkerque. Top à l'orgasme. Bravo. Il a un petit côté chevalin. Ouais, monté comme un poney. Hein. Monté comme un poney, le Robin. Alors voilà, alors nous allons voter, hein, dans l'équipe, bien sûr, pour choisir le gagnant. Ce soir, Robin est opposé à Manon. Manon, et qu'est-ce que tu as pensé de la performance, de la prestation, pardon, de Robin? Bah, c'est plutôt animal. Manon, c'est à ton tour. Top à l'orgasme. Oh putain, merde. Ah non, mais là t'es monté trop rapidement là, Manon, merde. Ah bah oui, mais tu me fais jouir, j'y peux rien. Moi je vote déjà pour Manon. Je vous le dis tout de suite. Eh bien voilà, j'aurais au moins fait jouir quelqu'un aujourd'hui. Alors, Thomas. Ouais. Ça y est, Thomas, c'est à ton tour. On y va, t'es prêt, Thomas? Ouais. Allez, c'est parti, top à l'orgasme. Vous Vous aurez donc compris que Thomas est toujours puceau. Hein? Mais non, il fait un orgasme féminin. Ouais, non, il c'est doit vrai, souvent c'est... entendre simuler, alors. C'est très. Alors, j'ai encore entendu personne faire. Bah, c'est normal, on n'a pas invité Clara Morgan. Hein. On y va. Ah oui, c'est vrai. Chacun ses références. On accueille Léa. Léa. Oui. Léa, est-ce que tu te sens, est-ce que tu te sens en danger pour l'instant avec tous les orgasmes que tu as entendus, Léa? Je ne sais pas trop. J'ai un petit doute. Es-tu prête? Oui. Top. À l'orgasme. Ah oh. Oh oui, encore. Ah oh, vas-y, continue. Ah ah ah ah ah ah oui ah. Tous les hommes ont joué, il est dans ce studio. Tout le monde est tendu là. Ouais. Ça va, j'ai été bon, Léa. Alors, je sais pas si c'est parce que ça fait un moment que ça s'est pas passé ou alors si c'est une attitude, je sais pas trop là. Écoute, Léa, en tout cas, tu as de bons restes. Comme on dit, c'est maintenant à l'équipe de voter. Qui vote dans l'équipe pour Robin? Il faut deux gagnants. Ouais. Moi, je vote pour Robin. On est deux, trois. Trois à voter pour Robin. Ok. Qui vote pour Manon? Levez la main. Deux personnes. Donc il y a Coco et Méloche qui votent pour toi, Manon. Donc déjà, Manon, je suis désolé, mais à moins d'un retournement de situation, ça paraît pas cool. Pour Thomas, qui vote pour Thomas? Moi. Alice et Méloche. Donc ça fait deux voix également. Égalité entre Manon et Thomas. Et qui vote pour Léa? Moi aussi. Toutes les mains se lèvent pour Léa. On a donc nos deux finalistes, Léa face à Robin. Vous êtes prêts, les amis, pour la grande finale? Allez, c'est parti, round 2. Allez, on va commencer par Robin. Robin, donne tout ce que t'as en stock, en magasin. C'est le moment de faire péter le plus bel orgasme de toute ta vie, Robin. On y va. Bravo Robin. Léa, ouais, on peut l'applaudir. Bravo Robin. Léa, à ton tour pour la grande finale de l'orgasme de la battle ce soir. C'est bon, c'est parti? C'est parti. Ah. Oh. Oh oui, caresse-moi. Oh, j'adore. Oh, continue. Oh. Oh, touche-moi encore. Ah. Oh. Oh. J'ai une pensée pour tous ceux qui se sont stickés le manche là pendant qu'ils entendaient entre autres Léa, hein. Dont toi et Kassim. Ah non, attends, ah oui. Moi c'est les mains toujours au-dessus de la console, jamais en dessous. Par contre, Doc a soulevé une partie de la table juste à côté. Hein, c'est tout ce que j'ai à dire. La grande finale qui s'est plutôt bien passée. Ouais, on va tous passé, hein. Voter à main levée. Qui vote pour Robin ce soir? Ah, moi je vote pour Robin. Il a 1, 2, 3, 4. 5 votes. 5 votes. Qui vote pour Léa ce soir? Bah moi. Une voix pour Léa. Je suis désolé, ma Léa. C'est Robin ce soir qui gagne la battle. Et bien sûr, tout est dans le cheval. Eh ouais. Vive le poney. Vive le poney. Bravo. Il est génial, Robin. Je l'adore. Il est fou. Robin. Ouais. Félicitations mon Robin, c'est toi qui repars avec les 100 euros de chèque cadeau à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Tu vas te régaler. C'est top. On va pouvoir faire des cadeaux. de faire des cadeaux à toute ta famille là pour Noël et penser aussi exactement à toi. Exactement, et à mamie. Je te dédicace à ta mamie. Et ben en deuxième position, Léa, qu'on félicite également. Bravo, ma Léa. Merci, je pense qu'il va falloir que je me remette en selle. On va, tu sais quoi, on va t'envoyer un sextoy Lélo, Léa, toi. D'accord. Cadeau de consolation, voilà. On va t'envoyer ça. Très bien. Et puis les capotes aussi, les capotes Durex Rennes, hein, pour tout le monde, le pack Lavin Fun pour Manon et Thomas. On vous fait des gros bisous. Bravo Manon, bravo Thomas. Hein. Après, merci moi beaucoup. Je veux pas dire. Ouais, vas-y mais Manon. Personnellement, Karel, il a dit qu'il voterait pour moi, il a pas voté pour moi. Ah mais Karel, il dit beaucoup de conneries, tu sais. Ouais, bah ouais. Ah ouais. Je baisse dans mon estime. Ah ouais. Ah ouais, c'est dommage. De toute façon, j'aurais voté pour toi. T'étais quand même troisième, hein, Manon. Ah mais j'aurais pu faire mieux. On fait toujours mieux. Ah bah je suis désolé revanche Manon. Demain dans une nouvelle bataille mais Manon. Mais c'est pas grave. Je suis bonne joueuse donc il y a pas de souci, c'est pas grave. Eh ben on va t'envoyer ton petit cadeau Manon. Non mais attends, je suis désolé Robin et Léa, ils étaient un cran au-dessus, il faut ouais, dire ça. Ouais, ils ont bien géré. Ils ont démarqué, ils ont carrément géré. Je suis désolé Manon si je t'ai déçu, j'essaierai de me rattraper un jour ou l'autre. Non non, Léa elle a très bien géré, il y a pas de souci. Robin aussi c'est pareil, vous avez tous été formidables, il y a pas de problème. Y a que Thomas qui était un peu à chier en fait. Non, il était bien. Moi j'ai voté Thomas. Trop jeune. Oh, mais non. Moi j'ai voté Thomas. Robin, on embrasserait fort la ville de Dunkerque qu'on connaît bien. On avait été au carnaval. Et franchement, vous êtes trop forts les Dunkerquois, Dunkerquoisons. On vous fait des gros bisous. Salut Robin. Merci, gros bisous l'équipe. Salut et gros bisous à tous les quatre. Restez bien avec nous dans bisous, un instant. Bonne soirée. Bisous. Et dans un instant, on va parler des techniques pour demander un numéro de téléphone. Si vous avez des petites techniques, c'est le moment de nous appeler là au standard au 01 42 48 5000. Comment avoir le 06 d'un mec ou d'une fille? On en parle après Lord Luxury sur Fun Radio. You wanna down in the six, but when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my. Finding all my innocence, body on my. Losing all my innocence, body on my. Finding all my innocence, body on my. Losing all my innocence, body on my. Finding all my innocence, body on my. Losing all my innocence, body on my. Finding all my innocence. Incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in six, you wanna dine in the six. But when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Hell nah, been waiting too long. Hell nah, I want that cruel love. Body on my. Losing all my innocence, yeah, body on my. Finding all my innocence, yeah, body on my. Losing all my innocence, yeah, body on my. Finding all my innocence, yeah, body on my. Losing all my innocence, yeah, body on my. Finding all my innocence, yeah, on my. Luxury sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc. De 22h à minuit. Sur Fun Radio. Et ça y est, on y est. C'est le mois de décembre et on sera à Rennes. Dans une semaine, les amis, on débarque à Rennes avec toute l'équipe de Love in Fun. pour s'éclater, pour franchement passer une bonne soirée avec vous. On fera l'émission en direct depuis le bar, le Meltdown, le repère des gamers à Rennes. Alors si vous voulez vous inscrire pour l'événement Facebook, ça se passe sur le Facebook de Love in Fun, c'est ça Alice? Oui, on vous a mis un petit événement, donc il suffit de s'inscrire et puis il y a toutes les infos directement sur l'événement sur Facebook. Venez faire la fête avec nous. On n'écoutera pas Maria Carré, mais on s'éclatera, hein, je peux vous le dire. Bonne soirée à tout le monde, merci d'écouter Fun Radio. Là maintenant, on va parler avec Florian. Il a 22 ans et il est de Clermont-Ferrand au 01 42 48 5000. Salut Florian. Salut Carré, salut toute l'équipe. Salut à toi Florian. Alors, tu veux nous... Oui, tu nous appelles pourquoi? Je vous appelle ce soir parce que je suis en galère pour choper des numéros. Voilà, on avait bien compris puisque j'en parle depuis le début de l'émission. Hein, et c'est pour ça que depuis le début de l'émission, on vous demande, vous tous qui nous écoutez, si vous avez une technique, un petit peu même secrète, hein, une petite technique comme ça que vous avez pour choper le numéro de téléphone de quelqu'un que vous kiffez, quoi. Parce que c'est jamais évident de demander un 06 à quelqu'un qu'on connaît à peine. Et parfois, on a l'impression, on a le sentiment de passer à côté de quelqu'un avec qui on aurait pu bien matcher, quoi. Et c'est ce qui s'est passé pour toi, Florian? Raconte-nous. Oui, enfin, à quelque chose près. Donc, hier, j'étais au McDo et il y avait une fille qui me donnait plus ou moins des regards, et moi aussi. Ouais. Et du coup, j'ai déposé mon numéro et un petit mot sur son pare-brise de sa voiture. Mais comment tu savais que c'était sa voiture? Parce que j'avais vu qu'elle sortait de cette voiture. Oh, c'est flippant ça. Hein. Ouais. Moi, ça me fait flipper ça. Toi, tu trouves un numéro de téléphone sur le pare-brise de ta voiture, Alice, tu n'appelles pas? Ah bah non, parce que j'aurais peur que ce soit une personne qui m'ait vu en train de l'emboutir et genre je vous laisse mon numéro de téléphone pour faire un constat. Non mais c'était un numéro accompagné d'un petit mot, bien sûr. Ouais, mais ça fait flipper oui, quand il y même. Un petit mot. Oui. C'est quoi le petit mot? Que j'avais regardes. Vu que j'avais craqué sur elle. J'ai craqué sur toi. Est-ce que tu veux bien m'appeler? Ça, alors, est-ce que ça a marché, Florian? Toujours rien, mais bon, c'est depuis hier, donc. Il a dû s'envoler, t'inquiète pas. Ouais, ça marche pas, ouais. Ça. Ah, ça fait un peu pas, peur, quoi. Ouais, faut tout essayer. Mais t'as bien fait, au moins, oui. T'as tenté. Non, mais voilà. Ouais, c'est pas mal, déjà, hein, de tenter ça, quand même. Bien sûr. Bonne initiative. Après, ça marche pas, ça c'est autre chose. C'est un peu faire le premier pas, donc, on est souvent un petit peu intimidé. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont pas très dragueurs, qui savent pas comment parler. J'ai demandé une clope, du feu, ce qui tout de suite est totalement minable. Ah, surtout si ça marche pas, voilà, c'est ça. Et donc c'est très difficile de trouver des bonnes idées. Voilà, c'en est une là, c'est pas mal quand même. Mais alors, franchement, Alice, moi je te pose la question. Ouais. On ne se connaît pas. Je te vois comme ça dans un bar et tout. Je viens de voir. Je sais pas, je vais pas te demander ton 06 direct parce que je sais que je l'aurai jamais, mais je vais essayer de discuter avec toi avant de demander ton numéro de téléphone. Bah, c'est quand même mieux parce que si t'arrives tout de suite vers la personne et que tu dis genre je peux avoir ton numéro de téléphone, tu dis oula, qu'est-ce qu'il va faire quoi? Il veut m'harceler, il veut usurper mon identité, enfin tu sais pas, enfin je sais pas, je trouve ça un peu chelou, mais c'est bien de commencer à parler et je pense que le premier contact avant le numéro, ça aide les réseaux sociaux parce que c'est ouvert à tout le monde. C'est genre t'as Insta, t'as Facebook, t'as des trucs comme ça, donc si c'est le cas, bon bah on se suit et puis on décide de se parler si on veut et on peut se bloquer à tout moment. On peut se suivre, se bloquer et c'est vrai que le numéro de téléphone maintenant c'est ringard. Ouais. Hein, j'ai pas celui de toute l'équipe moi perso. Hein. Florian, non mais voilà, par contre on a le WhatsApp de tout le monde, machin, on discute sur WhatsApp et Florian, on est sur Instagram, elle a sûrement un compte Instagram. Sûrement, oui. Un compte Facebook aussi, mais voilà quoi. Et tu connais pas son prénom? Et non, pas du tout. Mais tu l'as juste vu. Et moi, c'est ça qui me ferait flipper. C'est-à-dire qu'il y a un mec, il m'a juste vu et il veut mon numéro de téléphone parce qu'en fait, c'est que le physique qui l'a attiré. Et c'est ça qui est un peu flippant. Tu lui as jamais parlé à cette fille-là? Et non, pas du tout. Ah oui, donc voilà, tu vois, c'est pour ça, Florian. Il faut d'abord créer le dialogue, hein, et ensuite, ensuite, tu peux demander un numéro de téléphone. On va accueillir Angélique, 25 ans de Belfort. Salut, Angélique. Salut. Ça va, Angélique? Salut. Oui, ça va. Je peux avoir ton numéro de téléphone. Allez. Tu me plais beaucoup. Ah, ça marche pas comme ça, hein. Ouais. On l'a déjà. Ah, 07 56. Ouais. Non, c'est 52 en plus. Alors, Angélique. En plus, oui. Angélique, oui. À Belfort, comment on fait pour choper ton numéro de téléphone, toi? Alors, en fait, moi, j'ai une technique. C'est en fait, donc, je fais croire que j'ai plus de batterie et que j'ai un appel important à passer. Et en fait, ce que je fais, c'est que je prends le téléphone du gars et je fais sonner mon téléphone. Comme ça, je récupère son numéro. Le coup de la batterie. Ah, c'est pas mal. Moi, je l'ai fait à Méloche ce week-end. Le problème, c'est qu'elle m'a donné sa batterie externe. Ça n'a pas marché. Pourtant, j'ai tenté, hein, vous avez tous vu, hein, vous étiez témoins. Et du coup, je me suis tapé la batterie externe toute la journée. Hein, et ça pèse lourd, cette connerie. Faut bien faire attention à mettre son téléphone en silencieux, parce que si on fait sonner le téléphone et que le téléphone dans notre poche sonne, là, c'est la loose assurée. Oui, il faut que la personne accepte de donner ton téléphone. Enfin, son téléphone. Oui, parce que c'est souvent ça qui est difficile. Perso, on m'a déjà fait le coup dans la rue et j'ai pas envie de mettre mon téléphone dans les mains de quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi. C'est assez rare. Il y a beaucoup de gens qui refusent, hein. Et puis la personne se barre en courant et tout. Et puis moi, je vais jamais courir. Moi, je le laisse partir avec le téléphone, c'est sûr. Non, mais c'est ça. C'est ça le truc. C'est que maintenant, on a peur de se faire voler son téléphone et tout. Après, moi, si Angélique qui me demande mon téléphone, je lui donne direct. Hein. Vas-y, prends-le. Et ça veut dire, mais Angélique, ça a marché quand même. Hein. J'ai fait une fois cette technique. Ça avait marché. Ah, raconte-nous alors. C'était qui le mec? Bah, en fait, c'était en soirée. J'avais repéré un mec. Et puis du coup, bah, j'ai fait genre que je voulais appeler ma mère. Il fallait qu'elle vienne venir me chercher, etc. Et puis, ça a marché. J'ai envoyé un message le lendemain. Et puis, on a continué à discuter un peu. On a fait connaissance. Et puis, on a fini par sortir ensemble quelques temps. D'accord. Il a pas trouvé ça louche que tu l'appelles, que tu le contactes, alors que normalement t'es censé appeler ta mère. Non, parce que au fil de la discussion, on a réussi à faire connaissance, tout. D'accord. Ça. Puis bon, non, sur le moment, il a pas trouvé ça louche. Il a pas cherché plus loin à savoir. Oui, tant mieux. Ah, c'est clair. Puis même pour pas mal de mecs, une fille qui fait le premier pas comme ça, qui cherche le contact et tout, t'as envie de tester, t'as envie d'aller plus loin. Et donc, t'es sortie avec lui pendant combien de temps, Angélique? Oh, ça a pas duré très très longtemps. Ça a duré 3-4 mois. Vous avez fait l'amour ensemble et tout? Non. Non, non. Non, même pas. Non, même pas, non. Oh, ça servait définitivement à rien, cette histoire. Non, mais en fait, si, parce qu'on a quand même passé des bons moments, mais c'est vrai que, puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout quelqu'un, enfin, voilà, quoi, il était beau, mais... Ouais, enfin, bah, ça, au moins, tu sais que t'es pas passé à côté de quelque chose, voilà, non, c'est pas plus que exactement. Ça valait pas le coup. On a Marie. Ah, elle est là, Marie? Marie? Marie, 24 ans d'Auxerre. Allô, Marie? Bon, alors là, Coco est en train de reprendre Marie en antenne. Vous le savez, quand on n'a pas un auditeur à l'antenne, Coco est en panique. Allô Marie. Allô. Ouais, oui. Ça va, salut. Marie. Salut. Ça va? Ouais, ça va et vous? Ouais, ça va bien, Marie. T'as passé une bonne journée? Ah, tu me fais ta voix haute. Non, pas du tout. C'est ma voix naturelle. Bien fermé. C'est la voix quand je pense pas trop, tu sais, pour mettre l'ambiance, tout ça. C'est marrant, juste avant, elle n'était pas pareille, hein. Hein? Mais pourquoi tu dis ça, Marie? Juste avant? Ouais, mais si. Je peux avoir ton 06. Ah, va falloir faire un effort quand même. Allez, qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi ta technique et je te donnerai la mienne. Tu veux ma technique? Ouais. Ouais, moi j'ai pas de technique, tu sais. Je suis un peu timide. C'est au feeling, quoi. Bah ouais, enfin, si, je sais pas, j'ai l'impression qu'il se passe un truc quand on discute tous les deux, donc peut-être que voilà, quoi. C'est un malentendu. Voilà, vous comprenez pourquoi ça a toujours été un échec pour moi, hein, dès qu'il s'agissait de demander un numéro de téléphone. Mais je suis poisson, je suis trop sensible. T'as raison, Coco. C'est pas, Coco du standard a tout résumé. Les poissons, nous, on s'en prend plein la gueule. On est dans la sensibilité. Marie, t'as déjà pécho des 06, toi? Oui. Ouais, tu m'étonnes. Avec ton physique. Bah, des fois, il y en a que j'ai chopé et que je voulais pas. Hein. En plus, il y en a plus qu'il n'en faut. Raconte-nous comment t'as chopé et comment tu t'es fait choper. Alors, moi, ma technique, alors, ce que je conseille au jeune homme, c'est qu'en fait, tu vois, donc, bon, il l'a repéré, ok, parce que c'est pareil, son petit bout de papier, je sais pas quel temps il faisait, mais nous, hier, il faisait un temps de chiottes, à mon c'est avis, vrai. Il a plu, voilà, elle a pas vu son numéro. Hein. Bah oui, Florian, il pleuvait hier à Clermont-Ferrand ou pas? Ouais, à Clermont-Ferrand, il pleut tout le temps, eh ben voilà. C'est vrai, c'est con, Florian, tu mets un bout de papier, mais il pleut. Ah, c'était du carton. C'était du carton. On s'en fout que c'était du non, carton. Mais ça a bavé. Bah oui. Sûr. Bon alors Marie, c'est quoi la technique là? Bon alors moi, je vais dire voilà. Donc tu lui dis voilà, bah tu me plais vraiment. Attends, il y a mon chien qui fait un rafut du diable. Tu me plais vraiment, voilà. Je te laisse une chance. Que les gens ils aiment bien quand même le goût du défi, toi. Je te laisse une chance. Tu vas me murmurer à l'oreille ton numéro de téléphone. Juste une fois. Et si je suis pas trop débile, j'arriverai à le retenir. Si j'arrive pas à le retenir, t'as rien perdu, tu sortiras pas avec un mec sans cerveau. Ou une nana, c'était moi. J'achète. Ah là là. Ça, c'est... Et après, tu te grouilles vite. Mais alors après, t'as des mémotechniques, hein. Tu les retiens soit en département, soit en date d'anniversaire, soit en joueur de foot, si t'aimes le foot, machin, j'en sais rien, moi. Moi, c'est plutôt les départements. Mais et puis après, tu te dépêches vite fait d'aller le noter. Et les gens, ils vont se dire, bah attends, est-ce qu'il va vraiment le retenir? Et voilà. Parce qu'ils sont interpellés, tu vois. Attends, tu sais ce qu'on va faire du défi. Marie, tu sais ce qu'on va faire? Je vais donner le numéro de téléphone de Kassim, mais je vais le dire très très rapidement. Alors, du coup, tu vas me dire si t'as réussi à le retenir. Et appelez-le, il adore ça. Alors attends, parce que Kassim, vous savez ce qu'il fait, quoi? Vous savez ce qu'il fait, Kassim, quand je dis un truc comme ça? Il pointe Coco du doigt. Il pointe Coco du doigt. Oui, mais non. Non, mais attends, là, tu prends le numéro de Kassim, mais moi, c'est le tien que je voulais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, ouais. Alors, il est dans l'annuaire. Non, mais t'as vu comment ça, Kassim? Ah, il se défile toujours. Non, il se défile pas du tout. Il n'y a pas de problème. Envoie-moi un message sur Instagram. Tu te vois et puis après, tu ne suis pas. Voilà. Ok, Marie. Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Je peux te donner mon numéro de téléphone, mais en antenne. Tout de suite. Non, parce que. Non, mais c'est. On gêne peut-être. Non, mais c'est pas ça. Mais toi, qu'on est là, vous nous dites. Hein. Non, mais sinon, on peut donner ton numéro si tu veux. Bah, oui, bah, c'est quoi, on peut aussi donner le tien, Doc. Tu fais le malin depuis tout à l'heure. De toute façon, Doc est dans l'annuaire, il consulte. Sinon, j'ai une technique. Je te chuchote le mien et hop, tu le retiens. Ah non, fais pas ça, Marie. Non, non, fais avec ta belle voix, tu vas te faire harceler de photos de tub. Ouais, c'est clair. Non, j'aurais pas fait, t'inquiète. J'ai entendu ton num à la radio. Voici ma tub. Ah non, ça, j'ai le droit sur Facebook déjà. Facebook, ça suffit. Florian, le meilleur conseil qu'on puisse te donner après avoir entendu Angélique et Marie, c'est encore d'aller voir la personne, de lui parler. Ouais. Et après, une fois que tu auras échangé quelques mots avec elle, peut-être que là, tu pourras lui donner ton numéro de téléphone. Mais aller voir une nana et lui demander direct l'attaquer avec un 06, ça ne marche jamais, les amis. Ou alors c'est que vous êtes mannequin, mais... Ou que c'est un faux numéro. Ouais. Si elle le donne aussi facilement, c'est souvent un faux. Et bien sûr. Florian, on te fait et au moins, quand tu lui parles, tu sais un peu à qui t'as affaire et peut-être que... Oui, parce que c'est vrai que là, c'est juste le physique. Bah, bien sûr. Donc, il faut fouiller un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a, Kassim? Tu lèves la main? Oui, non, il y a bientôt la pub, c'est pour ça. Ah, il y a bientôt la pub, c'est pour ça. Ah, bah, c'est grand, faut se dépêcher. Allez, restez avec nous, on revient dans un instant. Florian, tu bouges pas? Oui. Oui. Gros bisous, mon Florian. On va t'envoyer les capotes du Rex, d'accord? Ça marche, merci beaucoup. Salut, mon Florian, restez bien avec nous. On vient avec Aya Nakamura et la dot sur Fun Radio. À tout de suite. Dès votre réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Cette semaine, est-ce que vous êtes prêts? Jouez à 8h30 au jeu des 30 secondes. Top chrono, c'est parti. Et gagnez votre séjour d'une semaine en demi-pension avec Bellambra, numéro 1 des clubs de vacances en France. Partez en famille ou entre amis, à la mer ou à la montagne, dans l'une des 58 destinations en France. C'est gagné! Tous les matins, Bruno dans la radio, de 6h à 9h sur Fun Radio. Avec Bellambra, comme par magie, tout est là. Plus d'infos sur bellambra.fr. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah, mais là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah, bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah, c'est toi, Adrien. Ah, cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Party Fun 2019, la compile événement avec Offenbach, Soprano, Maître Gims, Aya Nakamura, Dua Lipa, Coons, The Prince Karma, Martin Garrix, Loud Luxury. Le meilleur du son dance floor est sur Party Fun 2019. 22h à minuit. 0-1-42-48-5. Avec Karel, Alice et Doc. Sur Fun Radio. On s'est rencontrés, j'avais pas lové. J'avais tous les mecs sur le bas côté. Fais belle et tu vas câbler. Je me suis rendu, prends-moi cadeau. Dans les recoins de ma tête, y'a comme un truc qui m'a fait. Suis le faux pasteur et c'est ma conscience qui me l'a dit. Ok, je suis la cible, je prends tout le packaging. Je suis ok. Traite-tu de base, t'as adouci le bail. Comment faire, je deviens tête en l'air. J'ai plus le contrôle, traite-tu de base. a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. Je finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. Je finis wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, gosse. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. Depuis ta venue, j'ai changé. À la Bonnie and Clyde, t'es validé. Dans le mythe de mon cœur, je finis la vie d'avec toi. Suis-moi, tu verras, ça deviendra illégal. Toi et moi en bagaille, aie confiance, je suis là pour toi. Tu me voulais, tu m'as eu, il a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu, il a fallu me prouver ton amour. T'as dit des ex en peste. Sinon je m'en charge de ton tas de bêtises. On fait le combo, j'ai trouvé la recette. Mariage enfant, je crois que c'est le concept. T'as dit des ex en peste. Sinon je m'en charge de ton tas de bêtises. Ah oui, ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini wanted, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. J'ai fini wanted, moi je veux la vie de rêve. Avec Amora, la dot sur Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit. Love in Fun. Sur Fun Radio. C'est le rendez-vous tous les soirs, 22h minuit. Je m'appelle Karel, Alice, Doc, bien sûr, sont là. Doc, médecin, sexologue, Alice, responsable réseaux sociaux, Fun Radio, Love in Fun. Kassim. Non, je sais pas. Kassim, quoi. Ouais. Kassim. Coco du standard, ouais. L'élite du exactement. Standard de Fun Radio, c'est bien ça. Sûr. Et puis Méloche. Méloche. Pourquoi t'es là, Méloche? C'est pas l'élite du cul, Méloche. Hein. Ah non. Mais ah, ni du standard sûr. Non plus. Ah, merci, merci beaucoup, ça me touche. Je suis l'élite en rien, en fait. Hein, mais ah, si. Arrête, Méloche, de te dévaloriser. Non, on compte sur toi à chaque moment, à chaque instant. Et même si parfois on est déçu, on continue de croire en toi, Méloche. C'est ça, la force familiale. Et bien sûr. Et alors, Méloche, ça fait combien de jours, Méloche, que t'as pas vu le loup? Ah là, 590. Ça y est, dans 10 jours. Et alors, vous savez quoi? Madame fait la difficile. Hein. Bah, c'est normal, elle n'a pas attendu tout ce temps pour rien. Attends, moi je l'ai vu en soirée, mais... Méloche, oui. Quand on était à Montpellier ce week-end, Méloche, twerk, hein. Elle a les yeux qui crient baguette. Hey, Doc. Ah, je ne l'ai pas entendu, je ne connaissais pas ça. Je l'ai pas entendu. Eh ben, voilà, eh ben, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle vient. Non, mais c'est vrai, Méloche, elle était toute excitée. Elle voulait attirer les regards sur elle. Et attirer tout. Le mal. Hein? Ah ouais, elle faisait sa Beyoncé. Ouais, voilà. C'est ça, elle c'est était ça. En mode Beyoncé. Ouais, c'est toujours comme ça quand je sors. Mais franchement, un petit jeu de regard et tout, je suis sûr que tu peux pécho quand tu veux, Méloche. Ouais. Bah oui, elle peut pécho. Qu'est-ce qui bloque, Doc? Toi qui connais Méloche, elle a tu pas la envie vois. De faire ça avec le premier venu. C'est ce que j'entends. Ah oui. Elle a très envie de faire l'amour. Bah, j'attends Karel. J'arrête pas de lui faire des. Voilà, c'est à toi que je faisais les petits regards et tout. C'est ça que t'arrives pas à comprendre. Je ne veux personne d'autre. Ben bah voilà. Non, mais moi. Tu vas la soulever, notre Méloche. Allez, il est perdu. Allez, allez, montre-le. Enlevez-le. Alors, je m'y oppose parce qu'on fait pas ça dans la famille. Ah, non. C'est vrai. Il a raison, Doc. Putain, tu m'as sauvé, Doc. Je savais pas quoi dire. Ça va mieux. Non, merci, pour une Doc. Fois, je savais pas quoi dire. Non, mais ça fait plaisir. Tiens, on va se faire une question à la con, tiens. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. C'est ça que j'aurais dû dire. Genre enchaîné comme ça, on n'aurait pas vu que j'étais gêné. Alors, bonsoir, Jonas. Salut. Non, ouais, mais Méloche, je peux pas. Méloche, c'est ma fille. Ça... Non, c'est ma petite, ça. Ma petite, ça. Alors, Jonas. Ouais. Ouais, Jonas, tu viens. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Bah, écoute, je viens de Lyon et je vous appelle parce que j'ai une bonne question à la con. T'as quel âge, Jonas? J'ai 16 ans. D'accord. Comment ça se passe? T'es en quelle classe, toi? Moi? Ouais. En seconde. T'es en seconde. Et t'as pu aller au bahut ou pas aujourd'hui? J'ai entendu que ça commençait à bloquer là, dans les lycées. Ouais, ouais. Après, moi, mon bahut, il est en banlieue, donc ça va. Après, je dis Lyon pour voilà, que vous sachiez où c'est. D'accord, ok. Bon, non, loin de Lyon. Mais alors, c'est quoi ton village, ta ville, toi? Ta vraie ville? C'est Verneuil. Verneuil, bien sûr, c'est sûr. Moi, je connais moins. Mais, mais Verneuil, à côté de Lyon, c'est à combien de kilomètres? Je sais pas, 20 km. D'accord. Bah, tu connais quand même, merde, c'était de Verneuil. Verneuil-Lyon, quoi. Voilà. D'accord. Bon, je vois que t'es venu ici pour un point bien précis. J'ai l'impression qu'on ne peut même pas te parler, quoi. C'est-à-dire que toi, tu veux poser ta question, tu as ta réponse et tu attends. Je suis pressé, là. Allez, vas-y. Là, je vais remettre l'humanité en cause. Alors. Est-ce que, les gars, soyez attentifs. Ouais. Est-ce que si je mets mon aspirateur sur ma teub, ça la fait grandir? Ok. Alors, dans tous les modes d'emploi, c'est totalement contre-indiqué. Surtout, jamais tu fais ça. Il existe des ustensiles qui sont faits exprès pour ça. Qui la pompe à bite. Voilà. La pompe à queue, ça s'achète. La pompe à queue, Doc. Oui, oui. Ça s'appelle comme ça. Ah, c'est la première fois. Ah bah oui, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à dire bite. En fait, c'est la pompe à pénis. Le mot, le vrai mot, c'est la pompe. À queue. Oui, on pourrait dire verge, mais ça ne se vend pas dans les sex shops. Mais les urologues le recommandent, le prescrivent, moi aussi, ça arrive. Et ils disent pompe à queue, genre aux clients. Ouais, on dit pompe à vide. Pompe à vide. Pompe à vide. Alors, comment ça marche? On va expliquer à Jonas comment ça marche, la pompe à queue. Donc, en fait, il y a. Comment on va dire ça? Expliquez-moi, ouais. Ouais, c'est un cylindre avec une poignée, et puis en bas, tu as un joint. Que tu vas mettre en bas de ton sexe. Alors normalement c'est mieux d'être épilé parce que sinon ça empêche l'adhérence. Et puis ensuite tu fais le vide avec la poignée. Ouais. Et puis bah du coup ça aspire. Et ça fait gonfler ton pénis. Et ça fait gonfler ton pénis de la taille du cylindre. Alors faut commencer petit, mais il y a évidemment des cylindres de plus en plus gros. Et ça doit être douloureux parce que c'est un peu comme une sorte d'hématome ou des trucs comme ça, quoi. Doucement. L'effet de succion et tout, ça doit être bizarre. Pas faire vite. Hein. Mais alors, ça s'utilise dans quelles conditions, je veux dire, qui fait ça, à quel moment Ah ben c'est justement pour essayer de retrouver des érections chez les gens qui vont avoir par exemple de la fibrose après des chirurgies ou parce qu'ils s'en sont pas servis pendant longtemps. Qu'ont des problèmes d'érection, on peut leur donner ça, leur conseiller ça, pour qu'ils s'entraînent à avoir du sang qui vienne dans leur sexe et que voilà. Alors ça fait pas des érections très très rigides, ouais. Parce que donc il y a le joint en bas, on met un cock ring et quand on enlève la pompe, clop, bah ça reste, voilà, comme d'accord, ça. D'accord, ok. Et donc ils peuvent l'utiliser pour un rapport sexuel. Ok, ah oui, donc ça te permet en fait de bander. Voilà. Parce que voilà, alors Jonas, t'as pas de problème d'érection toi à 16 ans? Non, ça va. Eh ben alors, t'as pas besoin de ça, mon Jonas. Ni d'aspirateur. Et voilà, alors l'aspirateur en plus, franchement, ouais, ça peut être carrément dangereux, quoi. Tout à fait. Et c'est genre dégueulasse en plus. Ah, et puis ouais, elle va pas foutre ta bite là-dedans, quoi. Ah. Hein? C'est horrible, là. Tiens, on va essayer avec Coco du standard. Alors? Ah oui. Ah! Oh putain, elle est dedans, putain! Voilà, ça c'est Coco qui joue la comédie. Hein, eh ben putain, il y a encore du travail à faire le stand-up. Alors Jonas, tu reviens quand tu veux. Ok. Et merci pour cette question à la con, mon Jonas. Bah merci à vous l'équipe pour votre réponse. Hein. On t'envoie les capotes Durex Red, d'accord? Yes. Gros bisous, Jonas. Bisous. Salut, on va les offrir aussi à Joséphine. Tout le monde repart avec ses préservatifs Durex Red ce soir. Joséphine est avec nous. Elle a 24 ans, elle est de Montélimar. Elle a une maladie assez spectaculaire, j'ai envie de dire, et ça doit être terrible de vivre ça au quotidien. Salut Joséphine. Oui, salut. Salut. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement de quoi tu viens nous parler ce soir? De narcolepsie et hypersomnie, parce que moi j'ai les deux en fait. Narcolepsie, hypersomnie, ça veut dire quoi? Ouais, j'ai parlé chinois d'un coup. Narcolepsie et hypersomnie, c'est des troubles du sommeil en fait. Plus connu, ce qui n'est déjà pas connu, c'est la narcolepsie. Et l'autre, c'est l'hypersomnie idiopathique. C'est à peu près la même chose, mais en moins grave, on dira. D'accord, alors parle bien fort dans le téléphone, Joséphine, pour qu'on t'entende bien. C'est-à-dire que la narcolepsie, en fait, concrètement, tu peux avoir une activité et puis à tout moment, tu peux t'endormir. C'est ça. Voilà. Alors. Même quand c'est pas forcément des bons moments, oui, c'est ça. C'est absolument. Donc ça peut être à tout moment. Tu as eu ça à partir de quel âge, toi? Ça fait pas très longtemps. Ça fait 5 ans que ça s'est déclaré, moi. Tu peux nous en dire plus, Doc, sur cette maladie? Oui, alors c'est une maladie qui est rare, hein, puisque c'est une personne sur 10 000, à peu près, en moyenne. C'est aussi bien les garçons que les filles, sans discrimination. Ça semble, a priori, avoir une composante génétique. La narcolepsie, c'est deux choses à la fois. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'hypersomnie dedans, c'est-à-dire que par moment, paf, on s'endort. Ouais. Il peut y avoir une somnolence aussi, qui n'est pas obligatoire, mais qui peut exister, permanente un peu endormi la journée. Ouais. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle cataplexie. La cataplexie, c'est le fait que subitement tes muscles te lâchent et que donc le tonus musculaire revienne à zéro. Alors ça peut être partiel, ça peut être juste un bras qui tombe, comme ça peut être tout ton corps, comme ça peut être que ta tête. Mais il faut vraiment qu'il y ait et l'hypersomnie et la cataplexie pour que on puisse appeler ça narcolepsie. Sinon, quand on a que les phases d'endormissement tout seul, c'est l'hypersomnie idiopathique. Donc du coup, toi, à vivre au quotidien, Joséphine, ça doit être compliqué. Tu nous appelles pour nous raconter? Tout à fait. Oui, et pour vous poser une question. Mais après, moi, j'ai pas de cataplexie et pourtant, c'est la narcolepsie. C'est quoi la question que tu voulais poser, Joséphine? C'est que je m'endors vraiment dans des moments pas propices. Et en fait, savoir si j'avais des expériences ou... Alors, écoute, tu sais quoi, Joséphine, là, tu arrives un petit peu tard, c'est la fin de l'émission. Ce qui serait cool, justement, c'est que demain, on en parle. Parce que, Doc a dit que c'était une maladie assez rare, mais je suis persuadé qu'il y en a qui nous écoutent et qui ont connu ça ou qui peut-être ont des amis qui... Des fois, malheureusement, ça part pas. En plus, donc on va essayer, si tu veux, d'avoir pas mal de témoignages, et parfois ça peut virer au drame. T'imagines, tu conduis... Oui, c'est tout le souci. Notamment les cataplexies arrivent plus fréquemment avec des émotions, avec un bruit qui est fort, avec on rigole, etc. Il peut y avoir cataplexie. Si tu as une crise de cataplexie quand tu conduis, c'est évidemment dramatique. Comme les crises d'épilepsie. Bien évidemment aussi. Si tu t'endors au volant, c'est quand même dramatique. Et ceux qui sont épileptiques aussi, dans certaines conditions, peuvent pas conduire justement parce qu'ils sont sujets à avoir des crises. Ça leur interdit des activités, ça leur interdit des métiers, ça leur interdit tout un tas de choses. Mais Joséphine, tu nous disais justement, ça arrive lors de mauvais moments. Quel genre de mauvais moments? Enfin, t'as eu un exemple à nous donner en particulier? Oh, mais il y en a plein, hein. Enfin, le récent en date, le moment clé. Il y en a plein, c'est H24 que je suis narco, donc il y en a plein. En faisant des câlins, en mangeant, en conduisant. Ah ouais, en conduisant aussi, donc. Mais, en conduisant, tu t'es déjà endormi? Oui. Je n'ai jamais eu d'excitant. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que t'es toujours accompagné ou alors tu te réveilles, c'est genre pendant une seconde? Des fois ça doit durer 2-3 secondes, mais on s'en rend pas compte et on s'en bat mire. Waouh! Ah ouais, non, c'est chaud ça. Alors, Joséphine, tu nous raconteras tout ça en détail demain, d'accord, ma chérie? Oui. Oui, tu pourras être là demain entre 22h et minuit? Oui. Tu choisiras ton jour si tu veux. Non, mais là. Oui! Oui? Tu t'endors là? Mais non, je m'endors pas. Joséphine, non mais ça va être sympa parce que du coup demain on aura beaucoup beaucoup de réactions et des auditeurs qui vont venir nous raconter aussi leurs expériences. Je pense que c'est ça aussi que tu voulais à travers cette émission, avoir d'autres retours parce que tu te sens sûrement un petit peu seul, un petit peu isolé avec ta maladie et on peut le comprendre, hein, on le sera un moins quand on est narcoleptique. On va essayer justement de lancer un sujet sur les réseaux sociaux, sur le Facebook. Je trouve qu'il y en a très peu et que c'est très peu connu et très peu considéré. Absolument, ce sera l'occasion aussi pour toi d'en parler et d'avoir un maximum de réactions demain dans l'émission entre 22h et minuit. On te prend en début d'émission si tu veux, Joséphine, d'accord? Ok. Bonne nuit. Oui, c'est pas très sérieux, je suis pas encore couchée, mais bon, voilà, j'attendais. Profite bien en tout cas et à demain, Joséphine. Bisous. Merci. Salut, gros bisous. 01 42 48 5000. Ça a été une belle soirée hein, ce soir. Hein, c'est le numéro de téléphone. Si vous voulez passer à l'antenne demain, hein, vous pouvez nous appeler là. Si vous voulez réagir d'ailleurs à la narcolepsie, on vous rappellera demain en début d'émission. On a passé encore une super soirée avec vous. Je rappelle le Christmas Tour. Ça y est, c'est lancé, c'est officiel. Lundi 10 décembre, dans une semaine pile, on sera au bar Le Meltdown à Rennes. Et si vous voulez vous inscrire, il y a un événement Facebook qui a été créé sur le Facebook de Love in Fun. N'hésitez pas à vous inscrire. On va retrouver Matt. Ouais. Salut Matt. Bonsoir tout le monde. Ça va les copains? Bonsoir Matt. Oui. Ça va et toi? Bah ouais, ça va très bien. Écoute, j'ai préparé mon émission tout à l'heure dans le bureau en plein concours d'orgasme. Donc je veux dire, je suis chaud. T'as aimé ou pas? Ah bah j'ai aimé. J'attends toujours le tien du coup, Karel. Bah ouais. Tu veux que je fasse un petit truc? Ah pourquoi pas, tu peux me faire un petit truc? Écoute, moi ça me va. Et c'est ça. Alors, genre, faut peut-être poser la question aux autres. Est-ce que vous avez envie d'entendre ça ou pas? Ah oui. Évidemment qu'on veut l'entendre. Ok, j'y vais. Et là, il se dit, mais putain, je peux plus le blairer. Tu imites un homme se dire. Ou une femme? C'est ça la question. Ah, non, c'est pas. De Nichon. Ah, De Nichon qui jouit. Ah, orgasme de Nichon. Allez, Denis. De Nichon, hein. Hey, je me cache, on est marre. À demain, les amis. Bah, écoute, tu te révèles, hein, finalement. Hein, viens, <c'est... rire> Allez, c'est parti. Party fun jusqu'à 1h du mat avec le coup de cœur Einstein, bien sûr. Et oui, exactement. D'ailleurs, Matt. Ça m'a tellement perturbé tout à l'heure, cette histoire de concours d'orgasme, que j'ai pas réussi à choisir mon coup de cœur Einstein de ce soir. J'hésite entre deux. On peut t'aider, hein. Vas-y, on va t'aider. Ben non, mais je vais pas mettre les extraits bon, maintenant. Ah, bah non. Si. Je sais que vous m'écoutez en plus sur la route, oui. Justement, il va falloir attendre un petit peu. On t'écoutera pas ce soir. Tout ça parce que je lui ai demandé de faire un orgasme à l'antenne. Tu vois, il m'en veut, hein, finalement. Non, pas du tout. Non, j'hésite entre, soit un DJ néerlandais ou soit un duo norvégien. Ah bah duo norvégien direct, bien sûr. Duo norvégien, mais c'est bien vrai sûr, et Datwikaz, alors, ça s'appelle Datwikaz. Ouais, je crois. Alors, bien, le DJ néerlandais, c'est Frontliner. Donc pour les auditeurs, vous pouvez m'envoyer moins un petit bien, message. Moins bien. C'est de la moins bonne cam que le duo norvégien que je ne connais absolument pas. Ah bah voilà, je vais demander aux auditeurs de choisir. Donc ils vont m'envoyer un petit message. Hein. Bah oui. On va t'envoyer un petit message. Envoyez-moi un petit message. Matt Fun Radio sur Twitter, Snap, Insta, Facebook, voilà, M-A-D-T. Vous savez comment faire dans tous les cas. Voilà, coup de cœur Arte sera tout à l'heure. À 1h du matin. Un souvenir de la soirée tout à l'heure aussi à 1h10 juste avant, et puis d'ici là le nouveau Marnik & Smack avec Gam Gam qu'on aime énormément, un petit remix de Rita Ora, et on démarre avec les Offenbach Paradise sur Fun Radio. Ça c'est bon ça. Merci beaucoup Matt. À demain. Ciao ciao. On est à demain sur Fun Radio. Open your eyes for a new reality. Feel the beat. You're gonna live a magical night. You will discover a new sensation. Party fun.